s'inscrit sur le module d'ailleurs. Ouais, Ah oui, excusez-moi. C'est ça maintenant. Ça marche. Le carnet hypothèse, ça fait office de Moodle en fait. C'est la même chose. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Séverine Chauvel et j'enseigne ici depuis 3 ans. Et je suis très heureuse là, d'ouvrir ce séminaire, ce nouveau séminaire donc, qui fait partie de la formation de master de sociologie de l'EHESS, mais qui est donc dans la limite des places disponibles ouvert à tous. Alors, je suis particulièrement heureuse parce que pour différentes raisons. Déjà, c'est un séminaire qui se veut différent hein, de ceux qui sont proposés dans le cadre du master. Donc différent parce que en fait il a été construit collectivement par un ensemble de chercheurs et d'enseignants. Je vous distribue le programme. Il est là. Attends, viens. Rasmin Cheyenne qui va intervenir aujourd'hui, Hugo Harari, Fanny Gallo, Pauline Delage, Cédric Durand, Franck Godichaud, Hervé Doalto, Grégoire Chamaillou, Philippe Léger, Fabien Locher, Wassim El Gholy, Delphine Moreau, qui donc ont préparé ce programme. Et donc, comme vous le voyez, ce sont des. C'est un programme qui se veut interdisciplinaire hein, en acte, puisqu'il y a des sociologues, des philosophes, des historiens et des économistes qui vont vous présenter chacun donc un concept critique à partir d'un travail empirique. Et c'était en fait. L'intention de ce séminaire. Alors, il se veut différent aussi par ses modalités d'évaluation, c'est-à-dire que certains d'entre vous inscrits dans le master vont chercher à être évalués. Donc, l'idée, c'est de proposer une synthèse de séance, et on en discutera plus précisément à la prochaine séance. À la fin de la prochaine séance, et éventuellement qui pourrait aboutir en fait à une publication collective. Voilà. Donc aussi différent par son mode participatif, hein, puisque vous avez tous accès, donc grâce au carnet hypothèse qui a été mis en place tout à l'heure, au texte. Hein, donc c'est-à-dire que vous pouvez consulter en accès libre ce carnet hypothèse qui est plus simple. Que le Moodle, puisque le Moodle en fait de l'école vous devez avoir un accès par invitation en amont Donc c'était un petit peu compliqué, notamment pour ceux qui ne pouvaient pas assister à toutes les séances. Donc là, vous avez une adresse à laquelle sur laquelle vous pouvez consulter les textes et les séances qui sont enregistrées. Donc l'adresse, c'est Hugo qui s'en est occupé. Voilà, merci. Donc c'est la première année de ce séminaire hein, qui va être conduit, hein, qui va être conduit l'année prochaine. Ça sera l'occasion d'aborder d'autres concepts, d'autres textes critiques. Et on a décidé donc d'ouvrir sur un texte à partir d'un texte de Stuart Hall, donc avec Razmig Kocheyan sur le thème de la crise d'hégémonie. Merci beaucoup. Je vous ai distribué une page recto verso sur laquelle figure une série de citations de Gramsci. Je vais faire des citations un peu longues parfois et j'ai cru bon vous les photocopier histoire que vous puissiez suivre de manière plus claire. Dans la référence Q, Q15, Q13, etc., c'est pour quadern, non, qui signifie cahier en italien. C'est comme ça habituellement qu'on cite les cahiers de prison, donc j'ai jugé bon de reconduire la manière scientifique avec tous les guillemets qui s'imposent de procéder. Par ailleurs, comme l'a dit Séverine, le texte qui accompagne cette séance, c'est un texte non pas de Gramsci lui-même, mais de Stuart Hall. C'est un texte gramscien, inspiré de Gramsci, et non sur Gramsci. Stuart Hall, comme vous le savez peut-être, est l'un des introducteurs de Gramsci dans le monde anglo-saxon. Et il a notamment employé Gramsci pour penser la contre-révolution néolibérale, Thatcher, Reagan et compagnie, dans les années 70-80. Et cette contre-révolution néolibérale, elle se fait en contexte de crise du capitalisme dans les années 70, ce qui est directement en lien avec ce dont je vais parler, puisque je vais parler de Gramsci et le concept de crise du capitalisme. Si d'aventure vous voulez entrer dans les cahiers de prison et que vous ne savez pas par où commencer, le mieux c'est peut-être de commencer par le cahier 13. Le cahier 13. Évidemment, il y a plein de portes possibles des cahiers de prison, ce sont des cahiers extrêmement compliqués, mais le cahier 13 est peut-être le plus consistant, le plus politique aussi. C'est le cahier qui est intitulé sobrement Petite note sur Machiavel. Petite note sur Machiavel. Bien. La Grande Dépression des années 20 et 30, la Grande Dépression, la précédente crise du capitalisme, a produit l'une des plus grandes œuvres politiques du XXe siècle, les cahiers de prison d'Antonio Gramsci. Rédigé entre 1929 et 1935 dans les conditions les plus horribles, alors que Gramsci passe les 10 dernières années de sa vie dans les prisons fascistes de Mussolini, je vous rappelle qu'il est né en 1891, qu'il est emprisonné en 1926 à Rome, et qu'il meurt en 1937, donc après avoir passé 10 ans dans les prisons fascistes de Mussolini, les plus de 2000 pages des cahiers de prison portent la marque du contexte de profonde déstabilisation et de profonde réorganisation du capitalisme dans lesquels ils ont été écrits. Les textes antérieurs à l'incarcération de Gramsci témoignent eux aussi de l'omniprésence de cette problématique de la crise chez lui. La pensée de Gramsci est donc par excellence une pensée de la crise. La crise n'est à vrai dire pas un thème parmi d'autres dans les cahiers de prison. Il s'agit du principal ou de l'un des principaux concepts organisateurs de l'œuvre, au sens où ce thème surdétermine toutes les autres thématiques qui sont abordées par Gramsci, si bien que tirer le fil de la crise conduit en dernière instance à dérouler l'intégralité du dispositif théorique développé par Gramsci dans les cahiers de prison. Ce dispositif théorique organisé autour de la notion de crise, du capitalisme, est d'une remarquable actualité aujourd'hui. La raison en est qu'il renferme ce dispositif une analyse sophistiquée, extrêmement sophistiquée, à bien des égards unique même, non seulement des crises du capitalisme en général, mais du rapport entre les crises économiques et les crises politiques. Aucun autre marxiste, me semble-t-il, n'a fait autant pour nous aider à comprendre la façon dont les crises changent les rapports entre l'économique et le politique, et en dernière instance, redéfinissent la nature même de l'économique et du politique. Les cahiers de prison contiennent en ce sens, précisément, me semble-t-il, le type de cadre analytique qui est requis aujourd'hui pour penser la crise dans laquelle nous sommes plongés. Gramsci observe le développement de la crise dans l'entre-deux-guerres, donc les années 20 et 30, et il se demande comment une crise née dans une sphère particulière, la sphère économique en l'occurrence, en vient dans certaines circonstances à contaminer la société dans son ensemble, et particulièrement les institutions politiques. C'est tout le sens des concepts de crise d'hégémonie, de crise organique, ou de crise de l'État dans son ensemble, que Gramsci élabore dans les cahiers de prison. Cette conception gramscienne des crises n'éclaire pas tous les aspects de la crise actuelle. La finance a bien entendu joué un rôle déterminant dans le déclenchement de la crise actuelle. Les profits déclinant dans l'économie dite réelle à partir des années 70, les profits financiers leur ont servi de substitut pendant trois décennies, disons les trois décennies néolibérales, avant de s'effondrer eux aussi au cours des dernières années. Or, Gramsci, me semble-t-il, ne nous est pas d'une grande aide pour comprendre la financiarisation du capital. La critique de l'économie politique est centrale dans les cahiers de prison, contrairement à une opinion assez répandue, notamment dans les courants, disons, pour faire bref, postmodernes. Gramsci n'est pas seulement un théoricien de la culture, un théoricien de la politique. On sait notamment que Gramsci avait pour ami intime l'un des plus grands économistes du XXe siècle, Piero Sraffa, avec qui Gramsci a discuté de problèmes d'économie, y compris depuis la prison. Mais en même temps, les cahiers de prison contiennent peu d'éléments sur la finance proprement dite, et ce que l'on trouve sur la finance n'est, à mon sens, pas particulièrement original. Encore une fois, l'apport décisif de Gramsci en matière de théorie des crises réside dans sa conception extrêmement novatrice du lien entre les crises économiques et les crises politiques. Je commencerai par faire un rappel concernant la conception gramscienne de l'hégémonie, le fameux concept gramscien d'hégémonie. Si on veut comprendre ce qu'est une crise d'hégémonie, il faut bien sûr commencer par se mettre d'accord sur ce que c'est que l'hégémonie. J'évoquerai ensuite la conception gramscienne des crises, qui est étroitement liée au problème de l'hégémonie, puisque la forme que prennent les crises dans une société, dit Gramsci, est toujours tributaire de la nature du pouvoir qui existe. Or, le type de pouvoir qui prévaut dans nos sociétés capitalistes avancées, c'est justement le pouvoir hégémonique, c'est-à-dire l'hégémonie. Je ne parlerai pas directement de la crise actuelle, j'ai décidé plutôt de prendre le temps de présenter dans le détail les concepts de Gramsci, mais on n'aura, je crois, aucun mal à voir en quoi ces concepts éclairent la situation actuelle. On m'entend bien, au fond, ça va. Première partie donc, l'hégémonie comme technique politique moderne. Cette expression est de Gramsci lui-même, technique politique moderne. Le point de départ de la réflexion de Gramsci dans les cahiers, c'est une question que Gramsci partage avec de nombreux penseurs de son temps, qu'ils soient d'ailleurs marxistes ou non. Comment se fait-il que ce qui a été possible en Russie en 1917, à savoir une révolution ouvrière, a échoué partout ailleurs? Comment se fait-il que le mouvement révolutionnaire a été défait dans tous les autres pays, en Allemagne, en Hongrie, ou encore dans l'Italie des conseils de Turin de 1919-1920, auquel Gramsci a activement pris part en sa qualité de rédacteur et d'organisateur de la fameuse revue L'Ordine Nuovo? L'intuition de Gramsci, c'est que ces défaites à répétition ne sont pas contingentes, qu'elles renvoient à quelque chose d'essentiel. Non pas bien entendu que ces révolutions que j'ai citées aient été d'avance vouées à l'échec, mais derrière les tactiques insurrectionnelles plus ou moins opportunes mises en œuvre par les organisations ouvrières, s'expriment selon Gramsci des coordonnées stratégiques qui sont distinctes du carus. Et ce constat a conduit à Gramsci à développer une théorie du développement capitaliste et des formes institutionnelles et politiques correspondantes, et à s'interroger sur ce qu'il appelle dans les cahiers de prison la technique politique moderne, justement. Ceci débouche sur une première distinction importante chez Gramsci, qui est la distinction entre l'Orient et l'Occident. Ces deux expressions, elles désignent des formations sociales de types différents. Voici un célèbre passage dans lequel cette distinction apparaît. C'est la première citation sur votre feuille. Voici ce que dit Gramsci. En Orient, l'État était tout. La société civile était primitive et sans forme. En Occident, entre l'État et la société civile, il existait un juste rapport, et derrière la faiblesse de l'État, on pouvait voir immédiatement la solide structure de la société civile. L'État était seulement une tranchée avancée derrière laquelle se trouvait une chaîne solide de fortifications et de casemates, etc. L'Orient, c'est par exemple la Russie de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Gramsci va cependant abstraire cette notion de tout contexte particulier, et il va l'employer pour se référer à un certain type de rapport entre l'État et la société civile, dans des sociétés qui sont géographiquement situées en Orient ou pas. L'Orient désigne en fait les régions au développement capitaliste tardif, qui accusent une inégalité de développement au sens du développement inégal et combiné de Trotsky, par exemple. L'Occident renvoie à l'inverse aux pays ouest européens, dont le développement capitaliste est plus ancien. Cette profondeur historique a des implications importantes du point de vue de la complexité de ces sociétés occidentales, donc, puisque de nombreuses strates sociales se sont accumulées et sédimentées au cours du temps. En dernière instance, les sociétés occidentales se définissent comme celles dans lesquelles la révolution ouvrière n'a pas eu lieu, où le changement social prend par conséquent une forme différente de celle qu'il revêt en Orient. Cette distinction entre Orient et Occident est l'occasion pour Gramsci de penser la nature de l'État, de la société civile et du rapport qu'ils entretiennent. En Orient, l'essentiel du pouvoir est concentré dans l'État. La société civile, comme dit Gramsci, est primitive et sans forme, c'est-à-dire peu développée et peu autonome par rapport à l'État. Prendre le pouvoir suppose avant tout, dans ces conditions, de se saisir évidemment de l'appareil d'État, armée, administration, police, justice, parlement éventuellement, etc. La société civile étant fragile, quiconque détient le pouvoir d'État est en mesure de l'assujettir. En Occident, la société civile est au contraire dense et autonome. Elle renferme une part considérable de la somme totale de pouvoir contenue dans la société, si bien qu'il ne suffit pas, dans ce cas, de s'emparer de l'État pour disposer de l'essentiel du pouvoir. Encore faut-il régner dans la société civile, le problème étant que l'on ne se saisit pas de la société civile de la même façon que l'on prend le pouvoir d'État, évidemment. C'est tout le sens de la métaphore militaire de la tranchée avancée que serait l'État, derrière laquelle se dévoile, en cas d'effondrement de l'État, une solide chaîne de fortifications et de casemates. Je noterai que dans certaines formulations, Gramsci inverse le rapport entre l'État et la société civile, laissant entendre que la société civile est la tranchée avancée et l'État le cœur du système. Quoi qu'il en soit, l'élément important, c'est qu'en Occident, la stratégie révolutionnaire, ce que Gramsci va appeler la guerre d'opposition, je vais y revenir, est confrontée, en plus du problème de la prise de pouvoir d'État, au problème du contrôle sur la société civile. Il est intéressant de constater au passage que les métaphores militaires sont omniprésentes chez Gramsci, comme elles le sont d'ailleurs chez la plupart des marxistes classiques. Hormis la crise de 1929, l'expérience historique qui surdétermine la rédaction des cahiers de prison, c'est évidemment la Première Guerre mondiale, dont on sait l'importance qui prit la guerre de tranchées. Les marxistes classiques sont par ailleurs des lecteurs très attentifs de Clausewitz, de Delbrück et d'autres stratèges militaires à qui ils empruntent une partie de leur vocabulaire et une partie de leur métaphore. Gramsci initie donc un mouvement dans l'histoire des pensées critiques qui vise à prendre en considération de manière accrue les formes extra-étatiques de pouvoir, celles que l'on trouve dans les entreprises économiques ou dans les grandes corporations qui sont apparues dans la seconde moitié du XIXe siècle, ou encore à un niveau, disons, plus micro-sociologique, dans la vie privée, dans les rapports personnels, ou la sexualité, dont il est beaucoup question, notamment dans le cahier 22, qui s'intitule « Américanisme et Fordisme ». Comme l'ont montré certains commentateurs contemporains, parmi lesquels Bob Jessop, un proche de Stuart Hall d'ailleurs, ceci rapproche Gramsci de certaines conceptions du pouvoir qui seront élaborées plus tard dans le siècle, notamment dans les années 60-70, par exemple de la microphysique du pouvoir de Michel Foucault. Pour autant, Gramsci affirme simultanément qu'à l'époque moderne, l'État ne cesse de se renforcer. Que l'État occidental soit relativement faible par rapport à la société civile ne signifie pas qu'il est faible dans l'absolu, évidemment. Le rapport entre l'État et la société civile n'est pas un jeu à somme nulle, l'un se renforçant au détriment ou en proportion inverse de l'autre. Gramsci ne reconduit pas telle quelle la distinction d'origine libérale entre la société civile et l'État. Contrairement à son sens libéral, la société civile n'est pas chez Gramsci une instance, disons, naturelle, qui s'autorégulerait spontanément en l'absence de l'intervention d'un État. Il faut en somme un degré élevé d'interpénétration de la société civile et de l'État pour que la société civile puisse progressivement se constituer en siège de la production et renfermer donc une part croissante du pouvoir social total. Tout au long des cahiers de prison, Gramsci cherche à problématiser en fait cette distinction entre État et société civile, et le concept extrêmement original d'État intégral, c'est son concept État intégral qu'il développe, est le fruit de cette problématisation, de cette distinction. La formule qui définit l'État en son sens intégral, comme dit Gramsci, je cite, je crois que c'est une citation qui ne se trouve pas sur votre feuille, mais elle est courte, je cite, « État égale société politique plus société civile, c'est-à-dire une hégémonie cuirassée de coercition. » Ça, c'est la formule célèbre, importante. « Une hégémonie cuirassée de coercition. » Cahier 6, paragraphe 88. « Société politique » renvoie ici à ce que l'on entend habituellement par « État, administration, armée, tribunaux, etc. » Et État intégral désigne la combinaison singulière de société politique et de société civile à une époque et dans un pays donné. Cette combinaison est toujours particulière à un pays ou une nation donnée. Cette distinction entre Orient et Occident va conduire Gramsci à élaborer une théorie du pouvoir dans les sociétés capitalistes avancées, occidentales, donc au sens que j'ai défini. La forme qui revêt le pouvoir, c'est justement celle de l'hégémonie. La théorie de l'hégémonie, chez Gramsci, n'est pas une théorie du pouvoir en général, qui vaudrait pour tout temps et tout lieu. Il s'agit d'un concept historique, qui concerne donc certains types de sociétés seulement. C'est une notion évidemment extrêmement complexe, qui échappe à toute définition essentialiste. Je relève quatre points qui définissent la notion d'hégémonie chez Gramsci. J'aurais pu en choisir d'autres, mais c'est des points, je crois, importants. Quatre points, donc. Premier élément pour définir l'hégémonie inclut toujours un élément de force et un élément de consentement, ou un élément culturel. La force et le consentement, c'est ce que Gramsci appelle, au cahier 13, le centaure de Machiavel. Le centaure de Machiavel, le centaure étant cet être mi-homme, mi-cheval de la mythologie grecque, en qui Machiavel et Gramsci après lui voyaient une représentation de la nature, disons, duale du pouvoir. La force et le consentement, ce sont les deux piliers de la conduite de l'État. Ces deux dimensions du centaure machiavélien ne se succèdent pas mécaniquement. Il ne s'agit pas de deux instances séparées qui seraient mobilisées alternativement par le pouvoir, dont l'une se manifesterait lorsque l'autre s'affaiblit. La part de l'une et de l'autre varie bien sûr selon les circonstances et les formations sociales. Il existe en particulier des situations, dit Gramsci, de dictature sans hégémonie, c'est-à-dire des cas où l'ordre social n'est plus défendu que par la violence brute. Mais, ajoute Gramsci, la force et le consentement sont présents à l'état au moins virtuel dans tout acte de gouvernement. La formule hégémonie cuirassée de coercition, qui est employée par Gramsci dans la phrase que je viens de citer, je crois, exprime bien cette idée. Deuxième point, le consentement gramscien n'est pas obtenu par la simple duperie ou tromperie des masses. Bien entendu, la ruse machiavélienne, entre en ligne de compte dans le rapport entre dominant et dominé, mais ce n'est pas l'essentiel. Le consentement des subalternes repose sur le fait que les classes hégémoniques engagent un processus d'universalisation, de catharsis, comme dit Gramsci. Je reviendrai sur ce terme. Autrement dit, pour régner durablement, les classes hégémoniques doivent satisfaire une partie des intérêts des dominés, en instaurant par exemple une protection sociale, en généralisant l'enseignement public, en mettant en œuvre une réforme agraire, etc. Elles doivent mener, les classes hégémoniques, la société, vers un progrès civilisationnel réel. Civilisationnel, c'est un terme de Gramsci. L'hégémonie impose donc des contraintes non négligeables à ceux qui l'exercent. C'est pas facile d'être hégémonique dans une société, sur d'autres termes. Et on verra que les crises organiques, elles résultent de l'incapacité des classes hégémoniques à se plier à ces contraintes, justement. Troisième caractéristique de l'hégémonie, Gramsci inscrit l'hégémonie dans une perspective historique. Jusqu'au milieu du XIXe siècle environ, la société est fluide, en ceci notamment que l'emprise de l'État sur la société est encore partielle et que la centralisation est encore embryonnaire dans la plupart des pays. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, sous l'effet de la révolution industrielle, la société civile se densifie et se complexifie. Le développement capitaliste induit une multiplication des groupes sociaux, ce qui augmente d'autant les interactions ou les alliances possibles entre chacun d'eux. L'emprise de l'État sur la société civile se renforce, les grandes corporations, partis, syndicats, associations, etc. se mettent en place, le parlementarisme se généralise, de même que l'instruction publique. La technique politique moderne s'en trouve par conséquent bouleversée. Gramsci va jusqu'à dire que la société civile et l'État s'interpénètrent au point de devenir, je cite, une seule et même chose. Une seule et même chose. Quatrième point concernant l'hégémonie, l'expansion coloniale, l'impérialisme en général, est un facteur crucial dans cette évolution, dans l'émergence de l'hégémonie. Elle suscite, cette expansion coloniale, une imbrication accrue de l'élément économique d'un côté et de l'élément étatique et militaire. On ne trouve pas chez Gramsci de théorie de l'impérialisme du type de celle que l'on rencontre chez un Lénine ou chez un Boukharine. La théorie de l'hégémonie est cependant, je crois, une contribution majeure à la compréhension du fait colonial, en ce sens que la montée en puissance de l'hégémonie comme forme de pouvoir et celle de l'impérialisme sont concomitantes. Et on verra que la théorie gramscienne de la révolution passive, dont je vais parler dans un instant, contient également des éléments qui sont relatifs à ce problème crucial, évidemment, de l'impérialisme. Bon. À chaque type de société, orientale ou occidentale, correspond à un mode de transformation sociale particulier. On revient là au problème de départ. Pourquoi ce qui a été possible en Russie sur le mode de la révolution bolchevique a échoué partout ailleurs. C'était le point de départ. La révolution russe, c'est selon Gramsci le dernier cas historique, ou l'un des derniers cas historiques, de guerre de mouvement. De guerre de mouvement. Ce type de processus révolutionnaire, la guerre de mouvement, elle naît avec la révolution française, et elle parcourt toute l'époque moderne jusqu'à la commune environ. Son contenu peut être socialiste, ou nationaliste, ou un mélange des deux. La guerre de mouvement, elle a plusieurs spécificités. D'abord, les affrontements sont brefs, même s'ils peuvent être précédés d'un temps de préparation plus ou moins long. Du point de vue tactique, la guerre de mouvement privilégie l'infanterie et la cavalerie, des vecteurs rapides. Les lignes de front, de même que les lignes de communication, sont mouvantes dans la guerre de mouvement. La guerre de mouvement suppose en fait un espace physique et un espace social qui soit fluide, dans lequel il soit, en d'autres termes, possible de circuler facilement. Dans le domaine de la politique révolutionnaire, dit Gramsci, la guerre de mouvement correspond à la formule de la révolution permanente de Trotsky. Et dans la politique, c'est la révolution permanente. Oui, excusez-moi. C'est vrai, ça va très vite. Excusez-moi, je n'hésitais pas à le dire. Non, ça n'est peut-être pas le soleil. Ok, et faites-moi signe si je réaccélère alors. À la guerre de mouvement succède donc la guerre de position. L'élément crucial dans cette transition, c'est la stabilisation des lignes de front. La stabilisation des lignes de front. Cette stabilisation, elle renvoie en fait à une transformation de grande ampleur de l'ensemble du corps social. Citation suivante. C'est la deuxième citation sur votre page. La guerre de position n'est pas constituée en effet uniquement par les tranchées proprement dites, mais par tout le système industriel et tout le système d'organisation du territoire qui se trouve derrière l'armée qui est massée sur le front. Et elle est imposée non seulement par l'abondance des réserves qui permet de remplacer rapidement le matériel perdu après une percée de l'ennemi et un recul, mais surtout par le tir rapide des canons, des mitrailleuses, des fusils, par la concentration des armes en un point déterminé. Un autre facteur à considérer, c'est la très grande masse d'hommes mobilisés, de valeur très inégale, et qui précisément ne peuvent agir qu'en tant que masse. Donc en somme, la transition vers la guerre de position, ce n'est pas une simple question de choix tactique de la part des forces révolutionnaires ou progressistes. Elle repose, cette transition, sur la réorganisation profonde de la société des suites de l'industrialisation. Gramsci avance ici en fait l'hypothèse d'une homologie entre l'économique, le militaire et le politique. Dans l'ordre de la politique révolutionnaire, la guerre de position correspond précisément à la formule hégémonie, hégémonie civile, comme dit Gramsci, qui s'oppose donc explicitement à la révolution permanente de Trotsky. Gramsci ne soutient pas que la guerre de mouvement disparaît complètement, elle devient simplement un moment de la guerre de position. Et hégémonie, hégémonie civile, signifie entre autres choses que la durée des affrontements, de l'affrontement révolutionnaire, va s'allonger dans le temps, et que la dimension d'usure devient déterminante dans la lutte. L'usure est cruciale dans l'affrontement. Et cela signifie aussi que le front culturel, cette expression est chez Gramsci lui-même, le front culturel va prendre davantage d'importance dans la lutte révolutionnaire et que ce front culturel devra par conséquent être désormais intégré dans le calcul stratégique des forces révolutionnaires. La dimension de la culture devient cruciale en Occident. J'ai ralenti un peu. Hein. Encore ? Faites-moi des signes, n'hésitez pas. Donc là, c'est la première partie sur la définition de l'hégémonie. J'en viens à présent à la théorie gramscienne des crises. La conception gramscienne des crises est étroitement liée à cette théorie de l'hégémonie. Ce que dit Gramsci, c'est que la nature des crises que traverse un système dépend de la forme de pouvoir qui y prévaut. Les crises du capitalisme avancé, du capitalisme occidental au sens évoqué, sont en ce sens forcément des crises d'hégémonie. Le rapport entre la nature du pouvoir et la forme des crises dans une société est clairement établi par Gramsci dans le passage suivant. Citation suivante. Une citation très importante. Je cite, « La société civile est devenue une structure très complexe et très résistante à l'égard des débordements catastrophiques de l'élément économique immédiat. » Entre parenthèses, crise, dépression. Les superstructures de la société civile constituent l'équivalent du système des tranchées dans la guerre moderne. Il arrivait au cours de celle-ci qu'une furieuse attaque d'artillerie qui semblait avoir détruit en totalité le système défensif de l'ennemi, n'en avait au contraire détruit que la surface extérieure, de sorte qu'au moment de l'avance et de l'attaque, les assaillants se trouvaient en face d'une ligne de défense encore efficiente. Il en va de même en politique pendant les grandes crises économiques. Cette dernière phrase est cruciale, évidemment. Que dit Gramsci ? Dans le capitalisme avancé, les crises économiques, dit Gramsci, ont rarement des effets politiques immédiats. Les crises économiques ont rarement des effets politiques immédiats. La transmission rapide d'une crise économique au champ politique est la marque des sociétés orientales. Dans ce cas, en Orient, une crise économique peut avoir des conséquences politiques, une chute du pouvoir en place ou un changement de régime, dans des délais extrêmement brefs. Gramsci appelle crise catastrophique les crises qui ont cours dans les sociétés orientales, en Russie par exemple. En Occident, en revanche, les crises économiques sont le plus souvent amorties par les tranchées et par les fortifications de la société civile et de l'État. Ces tranchées et fortifications empêchent la contagion de la crise de l'économique vers le politique et protègent de ce fait l'ordre social existant. En Occident, on trouve, dit Gramsci, entre les structures économiques et les superstructures politiques et culturelles, un ensemble de médiations qui forment ce que Gramsci appelle un bloc historique. Un bloc historique, un autre concept crucial chez Gramsci. En situation de crise, le bloc historique fait justement bloc. Il empêche que les turbulences économiques se traduisent par un effondrement correspondant rapide du système politique. Ce concept de bloc historique est déterminant chez Gramsci. Gramsci dit l'avoir trouvé chez Sorel. Il dit l'avoir emprunté à Sorel, une influence majeure sur lui. Ce concept de bloc historique ne se trouve en réalité pas chez Sorel. Il n'y fait en tout cas pas l'objet d'une élaboration systématique, mais peu importe ici. Qu'est-ce que c'est qu'un bloc historique? Un bloc historique se définit chez Gramsci comme l'unité dialectique entre la structure et la superstructure à un moment donné du développement capitaliste. Je répète, le bloc historique, c'est l'unité dialectique complexe, si l'on veut, entre la structure et la superstructure, à un moment donné du développement capitaliste. Comme dit Gramsci, dans un bloc historique, le contenu économico-social et la forme éthico-politique s'identifient concrètement. Je répète cette courte citation. Le contenu économico-social, donc l'économie et le social, et la forme éthico-politique, la politique, on voit les superstructures, s'identifient concrètement. Autrement dit, les structures et les superstructures dans le bloc historique s'apparient et se développent de manière relativement cohérente. L'histoire du capitalisme, selon Gramsci, n'est autre en dernière instance que celle de la succession de blocs historiques et de périodes de transition plus ou moins longues et plus ou moins chaotiques entre ces blocs historiques. Ce concept de bloc historique, il est plus souple que celui de classe bourgeoise et sans doute aussi plus précis que celui de classe dominante. Il ne désigne pas seulement les élites ou les alliances de classes qui président aux destinées d'une phase du développement capitaliste, mais il désigne aussi des alliances de classes. Mais il revoit en dernière instance au soubassement matériel, au mode de production, comme disent les marxistes, qui permet à cette alliance de classes, à ces élites, d'asseoir sa domination. Les crises testent la solidité d'un bloc historique. La plupart du temps, le bloc historique résiste. Certaines de ses composantes mineures peuvent faire sécession. Le consentement des classes subalternes est susceptible de s'effriter. Des désaccords peuvent surgir entre secteurs et les classes dominantes, classiquement entre la bourgeoisie financière et la bourgeoisie industrielle. Mais en principe, dans la plupart des cas, le bloc historique tient bon. Un bloc historique qui volerait en éclats, disons, à la première secousse économique, n'aurait guère de sens, évidemment. Surviennent cependant les crises que Gramsci appelle organiques, les crises organiques. C'est alors que la crise économique se transforme en crise du bloc historique lui-même, et qu'elle commence à contaminer l'ensemble des sphères sociales, économie, politique, culture, morale, etc. Gramsci qualifie aussi les crises organiques de crise d'hégémonie ou de crise de l'État dans son ensemble, par quoi il faut comprendre une crise de l'État intégral au sens que j'ai défini précédemment. Ces crises organiques, elles défont le lien entre la société politique et la société civile qui avait prévalu lors de la phase de développement précédente. Et donc on peut dire que les grandes crises du capitalisme consistent, selon Gramsci, en des crises de désagrégation du bloc historique. C'est ça, une grande crise, une crise organique, selon Gramsci. Quelles sont les causes de cette désagrégation? Pourquoi est-ce qu'un bloc historique en vient à se désagréger? Citation suivante. Le processus est différent dans chaque pays, bien que son contenu soit le même. Et ce contenu est la crise d'hégémonie de la classe dirigeante, qui se produit soit parce que la classe dirigeante a essuyé un échec dans l'une de ses grandes entreprises politiques, pour laquelle elle avait demandé ou imposé par la force le consentement des grandes masses, comme dans le cas de la guerre, soit parce que de grandes masses, surtout de paysans et de petits bourgeois intellectuels, sont passées tout d'un coup de la passivité politique à une certaine activité, et présente des revendications qui, dans leur ensemble chaotique, constituent une révolution. On parle de crise d'autorité, et c'est cela précisément que la crise d'hégémonie, ou crise de l'État dans son ensemble. Gramsci évoque ici deux raisons possibles de désagrégation d'un bloc historique. La première se situe dans les classes dominantes, à l'occasion de l'échec d'une grande entreprise politique, pour laquelle ces classes dominantes avaient obtenu pour un temps au moins le consentement des masses, mais qui échoue. Une grande entreprise politique, c'est un projet de réorganisation d'ensemble de la société de longue durée, imposé par les classes dominantes. Un cas de grande entreprise politique de ce genre, auquel Gramsci accorde beaucoup d'attention dans les cahiers, c'est l'émergence du Fordisme dans les années 10, 20 et 30, aux États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, le néolibéralisme est évidemment un exemple de grande entreprise politique de ce genre. Une seconde cause de désagrégation du bloc historique renvoie aux situations où le bloc historique se désagrège cette fois-ci, non par en haut, mais par en bas. Lorsque les classes subalternes, qui avaient jusque-là consenti à l'hégémonie, cessent de consentir et se mettent en mouvement. Par classe subalterne, il faut entendre non seulement la classe ouvrière industrielle, mais également d'autres classes, paysannerie, fraction des classes moyennes, intellectuelles, etc. La contestation dont a fait l'objet le capitalisme italien à la fin des années 10, début des années 20, les conseils de Turin dont je parlais, est un exemple de désagrégation du bloc historique par le bas. De même pour les mouvements sociaux des années 60-70, qui ont forcé les élites à revoir les modalités de leur hégémonie et à propulser la contre-révolution néolibérale dans les années 80. La première et la seconde cause de désagrégation du bloc historique peuvent bien sûr se combiner dans le renversement d'un bloc historique donné. Ça peut venir par en haut et par en bas en même temps, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dans les années 60-70, c'est sans doute ce qui s'est passé. Sur la base de cette idée de départ, une partie significative des efforts de Gramsci dans les cahiers de prison va être consacrée à l'analyse des crises organiques. Alors je vais passer en revue certains des problèmes qu'il aborde. Premier problème, la question des temporalités, la question de la temporalité des crises organiques est essentielle. Les crises organiques sont des crises de longue durée. Ce sont plus précisément des phénomènes qui sont spatialement et temporellement complexes, où plusieurs échelles spatiales et temporelles ne cessent de s'entrechoquer. Tout l'après-guerre peut être considéré comme une crise, dit Gramsci, tout l'après-guerre peut être considéré comme une crise, ce qu'il appelle après-guerre étant évidemment notre entre-deux-guerres. Et Gramsci ajoute, à la limite, l'histoire du capitalisme dans son ensemble est une crise continuelle. Est une crise continuelle. Toute l'histoire du capitalisme est une crise continuelle. Citation suivante, qui est très explicite sur ce point. On pourrait dire alors, et ce serait le plus exact, que la crise n'est rien d'autre que l'intensification quantitative de certains éléments, ni nouveaux ni originaux, mais surtout l'intensification de certains phénomènes, alors que d'autres qui apparaissaient et agissaient en même temps que les premiers, en les neutralisant, sont devenus inopérants ou ont complètement disparu. En somme, le développement du capitalisme a été, si l'on peut s'exprimer ainsi, une crise continuelle, c'est-à-dire un mouvement très rapide d'éléments qui s'équilibraient et se neutralisaient. Que dit Gramsci ici ? Le capitalisme engendre en permanence des forces antagonistes, qui s'affrontent, qui se neutralisent et qui parfois se dépassent. La crise est en ce sens le régime de croisière du capitalisme. Une crise proprement dite, ce n'est que l'exacerbation de ce processus. Elle ne suppose pas nécessairement l'apparition d'éléments qualitativement nouveaux dans le système. Elle implique que le système ne parvient plus à gérer les contradictions qui le sous-tendent. L'argument théorique central de Gramsci, c'est qu'une crise ne doit pas être pensée sur le mode de l'événement, mais sur le mode du développement. Une crise n'est pas un événement, c'est un développement. Après tout, 1929 n'est qu'une date dans un déroulement plus long, et il en va de même pour 2008. Même lorsque la crise trouve son point de départ dans l'effondrement d'un marché financier, disons précisément datable, la période qui précède et la période qui suit sont parties intégrantes du déroulement de la crise, et même souvent plus importante que l'effondrement ponctuel en question. Cette approche des crises comme développement implique que les crises sont toujours des terrains ou des champs de lutte dont l'issue n'est jamais déterminée à l'avance. Les crises, dit Gramsci, sont des moments d'affaiblissement des déterminismes et de résurgence de la contingence et de la possibilité politique. C'est ce que Gramsci appelle le terrain de l'occasionnel, qu'il oppose à ce qui relève de l'organique dans le capitalisme. Et l'objectif de la stratégie révolutionnaire, c'est évidemment de trouver le juste rapport entre ce qui, dans une crise, relève de l'occasionnel et ce qui relève de l'organique. c'est ça, faire de la politique révolutionnaire. La question de la temporalité des crises doit être mise en rapport avec le contexte dans lequel écrit Gramsci, et particulièrement avec la conception des crises sans doute dominante dans le marxisme de l'époque. Les cahiers de prison referment une critique dévastatrice du catastrophisme, je souligne ce terme, régnant dans bien des approches marxistes du début du XXe siècle, notamment chez Rosa Luxembourg, qui est la cible explicite de Gramsci. Le catastrophisme que Gramsci prend pour cible soutient que la temporalité des crises est courte, ou ce qui revient au même, que la transmission des crises économiques au champ politique est immédiate, comme en Orient. Ce catastrophisme, c'est par ailleurs un spontanéisme, comme chez Rosa, qui suppose que toute situation de crise est forcément favorable au mouvement ouvrier, que la crise entraîne toujours les masses, d'une certaine manière, du bon côté, celui de la révolution ou du progrès au moins. Gramsci est évidemment très bien placé pour savoir que la crise de 1929, si elle a intensifié les luttes ouvrières dans certains pays, a également favorisé les forces de la réaction, en l'espèce le fascisme. Comme dit Gramsci dans un passage célèbre consacré au fascisme, c'est pas sur votre feuille, mais c'est une citation courte. La crise consiste justement dans le fait que l'ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Et le fascisme, c'est un exemple de phénomène morbide dans ce sens. Deuxième point concernant les crises organiques. Lors des crises organiques, la bourgeoisie cesse de s'élargir et elle commence même à se rétrécir. Voici ce que dit Gramsci à ce propos. Je cite. La classe bourgeoise est saturée. Non seulement elle ne s'élargit pas, mais elle se désagrège. Non seulement elle n'assimile pas de nouveaux éléments, mais elle perd une partie d'elle-même, ou du moins les pertes sont de loin plus nombreuses que les assimilations. La bourgeoisie, dit Gramsci, et Marx disait évidemment la même chose, est une classe dominante d'un type nouveau dans l'histoire. Son originalité à la bourgeoisie réside dans le fait qu'il s'agit d'une classe ouverte. Alors que les castes féodales d'Ancien Régime, ou celles que l'on trouve dans d'autres sociétés, sont fermées, au sens où elles se reproduisent à l'identique, sur la base de l'hérédité, la bourgeoisie tend au contraire à s'élargir en permanence. Le capitalisme, en somme, a ceci de nouveau qu'il permet, et qu'il a même pour condition de possibilité, la mobilité sociale. Bien entendu, la bourgeoisie a vocation à demeurer toujours minoritaire dans la population, le capitalisme supposant évidemment par définition l'accaparement des richesses par un petit nombre d'individus. Mais ceci n'empêche pas que la bourgeoisie est une classe attractive, dit Gramsci, non seulement sur le plan de la mobilité sociale, mais aussi du point de vue de son imaginaire, mode de vie, valeur ou esthétique, etc. Les crises organiques mettent un coup d'arrêt à cet élargissement perpétuel de la bourgeoisie. La classe bourgeoise, dit Gramsci, est saturée. Elle subit même un processus de régression. Elle cesse d'être attractive du point de vue culturel et elle n'a plus non plus les moyens financiers d'intégrer de nouvelles classes ou de nouvelles fractions de classe. Le problème, bien entendu, c'est que sans promesse de mobilité sociale, l'exploitation capitaliste apparaît dans toute sa brutalité et dans toute son absurdité. En plus, comme l'a vu Gramsci et comme l'ont vu tous les marxistes, le capitalisme est un système par essence dynamique qui ne peut pas persévérer durablement à l'état stationnaire. Cette absence de dynamisme est l'un des aspects les plus dangereux des crises organiques pour la survie du capitalisme. Troisième aspect concernant les crises organiques. À la saturation de la bourgeoisie s'ajoute la caractéristique suivante. Lors des crises organiques, les institutions gouvernementales qui sont indépendantes des fluctuations de l'opinion publique se renforcent. Les institutions qui en dépendent directement tentent au contraire à passer au second plan. Selon Gramsci, les crises organiques, je cite, renforcent la position relative du pouvoir de la bureaucratie civile et militaire, de la haute finance, de l'Église et en général de tous les organismes relativement indépendants des fluctuations de l'opinion publique. Les exemples actuels, évidemment, ne manquent pas, notamment du côté de la finance. En temps normal, ces institutions n'ont guère de mal à laisser les instances les plus démocratiques gérer les affaires courantes. Mais ce risque ne peut plus être pris en situation de crise. Car d'une part, lors des crises, l'opinion publique fluctue considérablement et brutalement, menaçant de ce fait l'ordre social de déstabilisation. D'autre part, dit Gramsci, l'opinion publique, elle tend à être plus attentive aux solutions de sortie de crise les plus radicales, et particulièrement, évidemment, aux solutions révolutionnaires. Ce renforcement des institutions non démocratiques lors des crises renvoie à une problématique cruciale dans les cahiers de prison, qui est la problématique du césarisme. Le césarisme, autre concept crucial de Gramsci. Combien de temps j'ai ? La problématique du césarisme. Cette problématique du césarisme est à rattacher à la très riche réflexion qui est consacrée au bonapartisme, ou césarisme, je prends ces deux termes comme synonymes, dans la tradition marxiste. La notion de césarisme, je le signale, se trouve aussi dans les écrits politiques de Max Weber, notamment dans les textes consacrés à l'Allemagne de Weimar. Voici une définition du césarisme proposée par Gramsci. Citation suivante. Le césarisme exprime une situation dans laquelle les forces en lutte s'équilibrent de façon catastrophique. C'est-à-dire s'équilibrent de telle façon que la poursuite de la lutte ne peut aboutir qu'à leur destruction réciproque. Quand la force progressive A lutte contre la force régressive B, il peut se faire non seulement que A l'emporte sur B ou B sur A, mais aussi que ni A ni B ne l'emporte, mais qu'ils s'épuisent réciproquement, et qu'une troisième force C intervienne de l'extérieur et s'assujettisse ce qui reste de A et de B. Il peut y avoir un césarisme progressif et un césarisme régressif. Et en dernière analyse, ce n'est pas un schéma sociologique, etc. Une crise, dit Gramsci, débouche parfois sur ce qu'il appelle un équilibre catastrophique des forces. Un équilibre catastrophique des forces. Une très belle expression. Cette expression, elle désigne les cas où aucune des deux forces sociales principales en présence ne parvient à l'emporter, au point que la poursuite de la lutte menace de conduire à leur destruction mutuelle. Une troisième force, C, peut alors survenir et emporter la mise. Cette troisième force, elle aura tendance à intervenir de l'extérieur, comme dit Gramsci, c'est-à-dire à se présenter comme se situant au-dessus des divisions partisanes incarnées par les deux autres. C'est pourquoi il est fréquent que cette troisième force soit issue des institutions gouvernementales non démocratiques que j'évoquais à l'instant, armées, au XIXe siècle typiquement, finance, église, justice, etc. Le césarisme, au sens de Gramsci, a clairement une dimension charismatique, au sens donné à ce terme par Max Weber, la fameuse domination charismatique. Dans les années 20 et 30, Gramsci avait évidemment sous les yeux bien des exemples de César charismatique, Mussolini pour commencer. Toutefois, il soutient qu'en l'absence d'un César ou d'un Bonaparte personnel, une bureaucratie ou une organisation privée peut, comme il dit, devenir Bonaparte. Une organisation privée peut jouer le rôle de Bonaparte ou de César. Gramsci ajoute que le césarisme peut être progressif ou régressif. Napoléon Ier est un exemple du premier cas, qui a un aspect progressif. Napoléon III est un exemple de césarisme régressif. La crise de 1929 a donné lieu à un césarisme régressif, le fascisme bien sûr, et à un césarisme progressif, le New Deal de Roosevelt par exemple. Dans la crise actuelle du capitalisme, ces deux options sont sans doute également sur la table, il faudrait une analyse plus poussée pour l'établir. Le césarisme renvoie à un phénomène plus général, dont il est en fait un cas particulier, à savoir les révolutions passives. Autre concept célèbre de Gramsci, qui est aussi l'un des plus difficiles à interpréter, le concept de révolution passive chez Gramsci. Les révolutions passives, c'est la réponse des classes dominantes ou d'un bloc historique à une situation de crise. Elles comportent au moins trois dimensions, les révolutions passives. D'abord, une révolution passive est une vraie révolution, au sens où elle induit de véritables changements sociaux dans la société concernée. Ce n'est pas une pseudo-révolution. Les bouleversements qu'elle provoque sont parfois même considérables. Seulement, ces bouleversements et modifications sont suscités par en haut dans la révolution passive, par les élites ou par une fraction des élites, que ces élites soient progressistes ou conservatrices. Une révolution active est au contraire une révolution par le bas, dans le cadre de laquelle les masses sont non seulement présentes, mais dirigeantes. Ça, c'est la révolution active. Lors d'une révolution passive, les masses sont présentes, mais sur un mode, justement, subalterne. Ceci a une conséquence cruciale sur la nature et sur l'ampleur des révolutions passives, à savoir que même lorsqu'elles comportent une dimension progressiste, et même si les révolutions passives suscitent des modifications substantielles dans les rapports sociaux, les révolutions passives ne touchent jamais à l'essentiel, dit Gramsci, la propriété privée. quoi qu'il arrive, le propre de la révolution passive est de laisser intacte, ou presque, la structure de la propriété privée. Deuxième dimension de la révolution passive, c'est son caractère international. On revient là à la question de l'impérialisme que j'évoquais au début. Les révolutions passives font interagir les rapports de force qui existent au sein d'un pays, d'une société, avec le contexte géopolitique dans lequel elles se trouvent. Plus précisément, une révolution passive implique souvent l'intervention d'une puissance étrangère au sein de la nation où elle se déroule. Citation suivante, citation très connue. Je cite, « Ce fait est de la plus grande importance pour le concept de révolution passive. Non pas qu'un groupe social soit le dirigeant d'autres groupes, mais qu'un État, même limité en puissance, soit le dirigeant du groupe qui, lui, devrait être dirigeant et puisse mettre à la disposition de celui-ci une armée et une force politico-diplomatique. On peut se référer à ce qu'on a appelé la fonction du Piémont dans le langage historico-politique international. La Serbie, avant la guerre, se posait en Piémont des Balkans, du reste la France, après 1789, et pendant des années, jusqu'au coup d'État de Louis-Napoléon, fut dans ce sens le Piémont de l'Europe. L'important, dit Gramsci, est d'approfondir la signification d'une fonction du type Piémont dans les révolutions passives, c'est-à-dire le fait qu'un État se substitue aux groupes sociaux locaux dans la direction d'une lutte pour le renouveau. Fin de la citation. Que dit Gramsci ici? Comme dans le cas du césarisme, il arrive que les forces en présence dans une configuration nationale soient équivalentes, ou que, pour une raison ou pour une autre, aucune de ces forces ne soit en mesure de prendre l'avantage. Dans ce cas, une puissance étrangère pourra apporter son soutien à l'une des forces pour l'aider à faire la décision. Le nouvel ordre social qui émergera sera bien sûr durablement marqué par cette intervention extérieure, notamment parce qu'il est difficilement concevable que la puissance étrangère intervienne sans contrepartie, ça va sans dire. C'est ce qui s'est passé dans le cas de l'unité italienne, à laquelle Gramsci se réfère dans ce passage, en évoquant la fonction du type Piémont et l'intervention des armées de Napoléon en faveur de l'unité. Le passage dans lequel Gramsci évoque la France d'après 1789 et les guerres napoléoniennes montre que les révolutions passives peuvent se dérouler dans des espaces-temps très vastes. La grande armée de Napoléon a exercé la fonction du type Piémont en pesant sur les rapports de force nationaux pendant plusieurs années à l'échelle de l'Europe entière. Troisième et dernière dimension de la révolution passive, peut-être que j'arrêterai ensuite. Ouais, d'accord. Troisième et dernière dimension de la révolution passive, et puis ça terminera une séquence. C'est ce que Gramsci appelle le transformisme. Le transformisme. Ce terme de transformisme, il désigne la façon dont les forces sociales qui mènent la révolution passive absorbent ou cooptent les directions ou élites de leurs adversaires. Je répète, la manière dont les forces sociales qui mènent la révolution passive absorbent ou cooptent les directions ou élites de leurs adversaires en les ralliant à leur cause. Ce ralliement peut se faire par intérêt, pour des raisons idéologique. Le transformisme, c'est un élément crucial de la révolution passive, puisqu'il contribue justement à passiviser l'adversaire en le décapitant. En substituant les élites de l'adversaire. Le transformisme peut être de deux ordres, dit Gramsci, il peut s'effectuer par groupe entier, ou comme dit Gramsci, de manière moléculaire. Dans le premier cas, un groupe social, dans le cadre d'un processus révolutionnaire, va changer d'allégeance. Dans le second cas, le transformisme se fait à l'échelle plus individuelle. J'évoque un dernier point. Et j'ai fini. Dernier point, la théorie gramscienne a également quelque chose d'extrêmement intimement lié à la dimension culturelle de son analyse du capitalisme. Cette dimension culturelle, elle concerne en particulier les intellectuels, les fameux intellectuels organiques, l'expression fameuse est de Gramsci, dont parle Gramsci notamment au cahier 12. Donc la crise va aussi affecter les intellectuels organiques. Gramsci a une conception très large des intellectuels, qui diffère de ce que la sociologie des intellectuels contemporaine ou les catégories de l'INSEE aujourd'hui entendent par ce terme. Pour Gramsci, les juges, les officiers militaires, les prêtres, les politiciens, les policiers même dans certaines circonstances, sont autant des intellectuels que le grand écrivain ou le grand philosophe. Tout ça, ce sont des intellectuels au sens de Gramsci. En temps normal, la fonction de l'intellectuel est de garantir, je cite, c'est la citation suivante, premier point, le consentement spontané des grandes masses de la population à la direction imprimée à la vie sociale par le groupe fondamental dominant. Consentement qui naît historiquement du prestige et donc de la confiance que tire le groupe dominant de sa position dans le monde de la production. Deuxième point, le fonctionnement de l'appareil de coercition de l'État, qui garantit légalement l'obéissance des groupes qui ne consentent ni de façon active, ni de façon passive, mais qui a été constitué, etc. Ça, c'est les deux fonctions de l'intellectuel organique en régime capitaliste. Une crise organique met forcément les intellectuels organiques en crise. En temps normal, dit Gramsci, les intellectuels sont les agents de l'universalisation des intérêts des classes dominantes. Autrement dit, ils obtiennent, les intellectuels, le consentement des classes subalternes par l'entremise de ce que Gramsci appelle la catharsis. J'ai déjà évoqué ce terme, c'est-à-dire la purification par les dominants de leurs intérêts étroitement corporatistes et l'élévation de l'ensemble de la société, y inclut d'ailleurs les subalternes, à un degré de civilisation supérieur. Ça, c'est la fonction des intellectuels. En temps de crise, dit Gramsci, ce mécanisme cathartique réalisé par les intellectuels organiques se grippe ou cesse de fonctionner. La première fonction des intellectuels qui est décrite par Gramsci dans ce passage, la fonction, disons, de consentement spontané, devient par conséquent de plus en plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, conséquence, les dominants, la classe hégémonique, retombent sur ses intérêts étroitement corporatistes, et l'hégémonie, qui avait pour condition la catharsis, l'universalisation, eh bien, commence à s'effriter. Un problème similaire va affecter la seconde fonction des intellectuels organiques décrite par Gramsci. Les crises organiques entraînent une crise dans la formation des intellectuels organiques. La contamination par la crise de l'ensemble des sphères sociales dont j'ai parlé inclut évidemment la contamination de l'appareil éducatif, école, université et autres institutions de formation, qu'elles soient d'ailleurs générales ou techniques. Et ceci implique que le personnel requis pour accomplir les différentes tâches de la domination, y compris la seconde, à savoir la gestion de l'appareil de coercition, sont de moins en moins disponibles, ou que ce personnel reçoit une formation qui n'est désormais plus adaptée aux tâches de la domination telles qu'elles se présentent pendant la crise et ensuite. Donc, je vais peut-être arrêter là, prendre quelques questions. Merci. Si ça allait trop vite, n'hésitez pas à demander des précisions. Donc on a une heure encore dans la salle qui est réservée à la discussion. Donc tout le monde, voilà, chacun, chacune, peut prendre la parole. Ouais. Un par un. Un par un, c'est moléculaire. C'est à l'échelle individuelle. Par groupe entier, c'est quand un groupe entier, disons par exemple les classes moyennes dans un processus révolutionnaire s'allient aux classes populaires. Et puis dans le cours de la révolution, on convainc les classes moyennes par divers types d'arguments de cesser de s'allier avec les classes populaires et de revenir, disons, dans l'orbite des classes dominantes. Ça, c'est du transformisme par groupe entier, disons. Et quand vous cooptez ou décapitez des individus particuliers, bon, c'est moléculaire. Les deux sont possibles. Les deux peuvent se combiner. Ouais. Quelle est l'époque de l'action de 1929, donc il est emprisonné en 1926, il obtient une autorisation d'écrire en 1929, et il écrit jusqu'en 1935, moment où sa santé devient trop précaire pour pouvoir continuer à écrire, et il meurt en 1937. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment un auteur des années 20-30, qui a fait l'expérience des conseils de Turin, comme je l'ai dit, d'un processus révolutionnaire qui a échoué, et d'une certaine manière, les cahiers de prison, c'est une longue méditation sur l'échec d'un certain type de modèle révolutionnaire, inspiré évidemment par la révolution russe, dans le contexte occidental. Et c'est une méditation sur la défaite, et sur comment dépasser la défaite. Et en ce sens, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement actuel, quoi, parce que la défaite, c'est quelque chose que nous connaissons aussi. Et du coup, je me disais, quand on vous écoute, on a pas mal de points qui sont censés peut-être à des éléments actuels. Ouais. Et pour faire le lien avec le titre du séminaire, c'est quand c'est critique contemporaine, ouais. Est-ce que vous, enfin, du coup, dans quelle mesure vous situez les événements actuels avec cette théorie, enfin, c'est peut-être large comme question. Non, c'est une bonne question. En fait, c'est un séminaire qui porte sur les pensées critiques contemporaines et ça commence mal parce qu'on commence avec un auteur qui est décédé dans les années 30, donc c'est pas très contemporain. Mais la question est de savoir ce que c'est que le contemporain, mais évidemment. C'est ça la réponse que je commence à faire. Contemporain au sens de l'époque de l'auteur ou contemporain dans le sens le sujet contemporain, c'est ça aussi la question. Ben, c'est toute la question. D'une certaine manière, une des choses que pourrait problématiser ce séminaire, c'est se demander qu'est-ce que c'est que le contemporain. Il y a des auteurs vivants actuellement qui sont sans doute plus contemporains parce que ce dont ils parlent, c'est une société qui est révolue ou parce qu'ils ne captent pas les enjeux de la société actuelle, les transformations en cours. Et puis il y a des auteurs passés, comme Gramsci, mais aussi comme Marx, qui sont disparus depuis longtemps, mais qui sont nos contemporains parce que par l'entremise des concepts qui sont les leurs, on peut évidemment appréhender des transformations à l'œuvre à l'heure actuelle. Et donc l'hypothèse que je fais en vous parlant de Gramsci au début de ce séminaire, c'est de dire que Gramsci est notre contemporain. C'est d'une certaine manière ça que ça veut dire. Une deuxième partie de la réponse à votre question serait de dire que quand on examine les théories critiques actuelles, on s'aperçoit que Gramsci est l'une des principales influences sur les penseurs critiques contemporains. C'est pas la seule, bien sûr, mais c'est l'une des principales. Gramsci revient en permanence. Il revient dans différents types de théories sur la culture, sur l'économie, sur le politique, sur l'art, sur tout ce qu'on voudra, et il revient partout dans le monde. C'est très étonnant. Il y a des Gramsci en Amérique latine, en Argentine par exemple. Il y a des Gramsciens en Chine, en Inde, il y a des Gramsciens en France, il y en a en Angleterre, dans le monde anglo-saxon. Donc c'est vraiment une pensée devenue monde, en quelque sorte. Et c'est ça qui est aussi très, très marquant chez lui. Je pense qu'il appartient au petit groupe de penseurs dont la circulation internationale est vraiment effective, quoi. Et c'est vraiment quelque chose d'assez important. Donc il est contemporain à ces deux titres. Parce que ses concepts sont contemporains, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, et parce que son influence sur les théories critiques contemporaines est énorme. Elle est énorme. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Dans la crise organique, vous disiez que donc, vous évoquiez plusieurs problèmes, dont la saturation de la bourgeoisie. Ouais. On va prendre en compte un problème, la saturation de la bourgeoisie, à la crise organique. Ouais, c'est un problème parce que le capitalisme ne marche qu'à la mobilité sociale, relative certes, mais mobilité sociale quand même, et à l'attraction sur le plan culturel, disons. Donc en somme, ce que ça veut dire, c'est que, pour simplifier considérablement, la bourgeoisie, d'une certaine manière, doit acheter la paix sociale, financièrement, mais culturellement aussi. Or, avec la crise organique, elle n'a plus les moyens de le faire, ni financiers, ni en termes d'attractivité culturelle, esthétique, les valeurs, les goûts, la distinction en sens de Bourdieu, etc. Vous voyez ? Et c'est ça que... C'est la dimension de saturation de la bourgeoisie. Saturation, c'est le terme de Gramsci, dans le cadre des crises organiques. Vous voyez le problème ? Ça ne veut pas dire que tout le monde devient bourgeois dans le capitalisme. Bien au contraire, le capitalisme est un système de classe, évidemment. Mais il y a une dimension d'attractivité qui est indispensable pour que ça tourne, même sur le plan idéologique. Or, ce mécanisme se grippe dans le cadre des crises organiques. Vous voyez le problème ? Ça, c'est un vrai problème pour la bourgeoisie. Et je crois que c'est un problème très actuel. Évidemment, c'est un problème très actuel. La crise actuelle... Alors, c'est un problème pour la bourgeoisie et c'est un problème pour les subalternes si les subalternes ne savent pas se saisir de l'opportunité, ce qui est la plupart du temps le cas, malheureusement. Hélas. En d'autres termes, il faut que les subalternes s'organisent, qu'ils se donnent les organisations adaptées à la période, etc., pour que, d'une certaine manière, cette opportunité puisse être saisie. Il n'y a pas de caractère d'automaticité dans la crise organique. Ce n'est pas parce qu'il y a crise organique qu'on bascule automatiquement du côté de la révolution. Encore une fois, Gramsci, il dites-vous bien que Gramsci écrit en prison, dans une prison fasciste en Italie, dans les années, fin des années 20, début des années 30. Donc, c'est quand même un contexte assez dur, quoi. Et donc, il a bien conscience du fait que crise ne signifie pas automatiquement révolution. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter rapidement, enfin, par exemple, Hélène, enfin, dire votre nom pour, avant, enfin, quand vous prenez la parole, c'est pas pour... oui, c'est pas pour... enfin, voilà, comme ça, on se connaîtra mieux. Enfin, oui. Hélène Rousseau, sociologie à Paris 4. Et justement, est-ce que Gramsci propose une stratégie qui prenne en compte cette dimension hégémonique et culturelle du capitalisme, qui n'est pas la même que celle mise au point dans la tradition plus classique? Ouais. Il y a deux choses à dire. Premièrement, Gramsci est un admirateur de Lénine. C'est pas quelqu'un qui se vit lui-même comme un penseur qui a rompu avec ce que vous appelez à juste titre la tradition classique. Mais c'est quelqu'un qui veut continuer Lénine, d'une certaine manière, et emmener le marxisme et les idées de Lénine là où Lénine n'a pas eu le temps de les emmener, et notamment sur le front culturel. Donc en somme, d'une certaine manière, ce que signifie le front culturel pour Gramsci, c'est ajouter un étage de plus au processus de la lutte révolutionnaire. La stratégie par la culture ne se substitue pas à la stratégie économico-sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Gramsci ne dit pas, on a essayé de faire la révolution par l'économie, ça ne marche pas, donc essayons par la culture. C'est évidemment pas du tout ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que dans les sociétés occidentales, faire la révolution est d'autant plus complexe que la culture est complexe, que les rapports de classe sont plus complexes, etc., société civile, tout ce dont j'ai parlé, et que tout ça rend le processus encore plus difficile. Ce qu'il appelle guerre de position, c'est un ensemble d'enseignements stratégiques qu'il prend de ce constat-là, qu'il fait de ce constat-là. Donc d'où l'insistance sur les intellectuels. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que Gramsci, à l'origine, c'est un philologue. Donc il est sarde à l'origine. Il arrive en 1910-1911 à Turin, avec une bourse d'État italienne, pour y faire des études de philologie et de linguistique. D'où l'idée que la question du langage et de la culture plus en général est évidemment omniprésente, non seulement dans la problématique qu'il traite, mais sur le plan méthodologique. La méthode gramscienne est une méthode qu'on pourrait assez facilement caractériser de philologique par l'importance qu'elle accorde aux catégories, aux concepts, à la question du langage comme site ou comme lieu de la politique. Mais encore une fois, l'élément important, c'est que tout ça s'ajoute au reste des tâches révolutionnaires, Lénine, etc. Ça ne s'y substitue pas. Ça répond un peu à votre question, c'était si je vais... Il y a eu des problèmes permanents. L'autorisation de rédaction, d'obtention des cahiers a été tardive, mais on l'a laissé faire. Au moment de la... En fait, ils ont été sortis, ces cahiers, par la belle-sœur de Gramsci, au moment où Gramsci est évacué à l'hôpital, au moment où il va mourir. Et ils sont sortis, ces cahiers, de manière clandestine. Donc, en d'autres termes, dans la prison où il écrit, les gens ne savaient pas qu'il écrivait. En fait. Il a réussi... Il était changé de cellule, mais il avait développé des stratégies relativement efficaces. Le détail, je ne sais pas, en fait. Il est possible qu'il ait eu des complices ou des gens relativement complaisants, c'est tout à fait possible, même probable, en fait, parce que c'est quand même très difficile à faire comme opération. Et c'est sa belle-sœur qui lui fournissait des cahiers de tout petit format. Ils existent, ces cahiers, on peut aller les voir à Rome. Il en existe d'ailleurs des scans sur Internet, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc c'était des cahiers de tout petit format, et c'est très impressionnant de voir la manière. En fait, la manière dont Gramsci a composé les cahiers de prison, c'est qu'il écrivait dans sa tête pendant ses sorties. Ses sorties, je veux dire, dans la petite cour de la prison. Et donc il composait dans sa tête, et ensuite, quand il arrivait, il n'avait plus qu'à recopier d'une certaine manière. C'est un exercice qu'il avait réussi à mettre au point pour ne pas gaspiller de papier inutilement, papier qui était rare, etc. Par ailleurs, pour ce qui est de ses références, il n'avait évidemment pas les œuvres complètes de Lénine ni de Rosa à disposition, ça va sans dire. Donc ce qu'il avait, c'était des journaux essentiellement, dans lesquels il y avait soit des articles sur l'actualité, soit des recensions de bouquins. Alors tout d'un coup, vous avez des bouquins étonnants qui apparaissent parce que justement, il a eu sous les yeux une recension qui parlait de ce bouquin et qui lui permet de déclencher une réflexion sur tel et tel thème. Vous voyez ? Donc c'est très contingent, quoi. C'est des conditions de travail, évidemment, qu'on ne peut même pas imaginer, nous qui sommes dans des séminaires, dans des bibliothèques, dans des instituts de... Ça vaut pour tous les marxistes classiques. Les marxistes classiques ne sont pas des gens qui passaient leur temps dans des bibliothèques, c'est des gens qui passaient leur temps dans des assemblées générales. Mais ça vaut particulièrement pour Gramsci, parce que Gramsci, évidemment, a été emprisonné et qu'il a passé 10 ans dans... Sa santé était déjà précaire avant d'arriver en prison, en fait. Et ça, évidemment, ça s'est aggravé avec le temps. Oui. Jules, par exemple, comment... la question que je vous parle, c'est dans la suite de la question que tu as posée. Comment se passe la circulation des œuvres de Gramsci international? Ouais. Ouais. Au fil du temps, ça a mis beaucoup de temps. En fait, la première édition des cahiers de prison, elle paraît à la fin des années 40, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et elle est faite sous l'égide du Parti communiste italien, et particulièrement du secrétaire général, assez fascinant de l'époque, qui était Palmiro Togliatti, qui est un des personnages politiques du XXe siècle les plus fascinants, je trouve, et les plus intéressants. Donc voilà, donc ça c'est la première édition. Évidemment, c'est une édition qui est caviardée, où tous les passages qui ne conviennent pas vraiment à la ligne du PCI de l'époque sont enlevés, etc. Et ce n'est qu'au milieu des années 70, je dis bien 70, donc c'est 1975 je crois précisément, que l'édition définitive critique des cahiers de prison paraît, donc une trentaine d'années plus tard. Donc ça a mis extrêmement longtemps à arriver. Donc en fait, les cycles de réception des cahiers de prison sont... on commençait à partir des années 40, mais la réception a été biaisée. Bon, voilà. Après, il faudrait prendre continent par continent, on n'a pas forcément le temps. Mais par exemple, en Amérique latine, il y a des gens qui commencent à lire Gramsci depuis les années 50. En Argentine en particulier, il y a une communauté italienne très puissante, comme vous le savez sans doute, et donc ça circule par le biais des exilés italiens. Vous voyez ce genre de processus. En Inde, il faudrait voir précisément pourquoi, comment c'est arrivé là. Il y a une similitude de structure sociale entre l'Italie de Gramsci et l'Inde des penseurs postcoloniaux, qui est que dans les deux cas, vous avez une paysannerie massive, dont il faut penser les conditions de l'alliance avec la classe ouvrière, qui est relativement restreinte en nombre d'individus. Donc il y a une analogie entre la situation indienne des années, disons, 50, après l'indépendance de l'Inde, et la situation italienne des années 20 et 30. Ça aussi, ça garantit les conditions de la circulation de l'œuvre. Là, je viens de trouver un bouquin qui porte, un petit bouquin qui porte sur la circulation de Gramsci dans le monde arabe. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le faire. Et il y a semble-t-il toute une tradition gramscienne dans le monde arabe qui est extrêmement riche. Et... Ramzion, c'est une œuvre ouverte, non finie, inachevée. Évidemment, vous pouvez lui faire dire toutes sortes de choses. C'est plus facile de lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas forcément ou que une œuvre qui a été achevée. Donc peut-être que c'est une partie de l'explication aussi. Alors, sur la forme du parti, en fait, Gramsci est quelqu'un qui théorise le passage du parti d'avant-garde, Lénine, contexte oriental, révolution bolchevique, au parti de masse. Le parti de masse qui va devenir le parti communiste italien des années 60, qui comptait, tenez-vous bien, 2,5 millions de membres. C'est ce que j'appellerais un parti de masse, 2,5 millions de membres. Donc ça c'est d'une certaine manière la suite de Gramsci. Et Gramsci est le théoricien de ça. Évidemment que si vous accordez une importance prépondérante à la culture, ça n'a évidemment pas de sens d'être un parti de révolutionnaires professionnels. Pas vraiment de sens, quoi. Ça peut jouer un peu, mais... Donc, ce qu'il vous faut, c'est un parti qui représente la société dans son ensemble et qui ait d'une certaine manière des racines et des ramifications dans l'ensemble des secteurs sociaux, de sorte à ce que vous puissiez agir sur ces secteurs sociaux et avoir en retour les informations sur les transformations de la société, la paysannerie, l'église catholique, etc. Donc Gramsci, c'est exactement ça. Ça ne veut pas dire qu'il récuse l'idée de révolution, mais il affirme que la révolution, elle passe par d'autres types d'organisations désormais. Et c'est plus la forme du parti d'avant-garde révolutionnaire professionnel, etc. Des contemporains marxistes actuels, tu veux dire contemporains de Gramsci. Il y a tout le débat sur le Front populaire, bien sûr. Mais c'est un débat auquel Gramsci a assisté depuis la prison, donc il n'a pas vraiment participé à ce débat. Chez les marxistes classiques, je pense que c'est vraiment... Plus tard, oui, mais pas du temps de Gramsci, il me semble. J'essaie de penser à des théoriciens marxistes de son époque qui seraient allés dans ce sens-là. Je ne crois pas, mais peut-être que je me trompe. Mais ensuite, évidemment, dans les années 50, 60, sous l'effet des Trente Glorieuses, de la massification, etc., de toutes sortes de phénomènes, il est évident que les partis, la forme des partis communistes, en particulier, va être une forme de parti de masse, bien sûr. Et ça vaut pour l'Europe continentale, mais aussi pour d'autres endroits. Donc ça, c'est tout à fait clair. Pour ce qui concerne la révolution passive, là, il y a de multiples formes. Ça peut être... La révolution passive, c'est vraiment la réponse d'un bloc historique ou des classes dominantes à une situation de crise. Donc c'est une espèce de tentative de prendre les révolutionnaires de court. Tu vois ce que je veux dire? C'est faire la révolution avant que les vrais révolutionnaires s'y mettent, quoi. Et généralement, comme les vrais révolutionnaires, ils ont toujours un petit temps de retard, ça peut jouer, quoi. Donc il y a plusieurs formes possibles. Ça peut être la Banque Centrale Européenne, ça peut être des élites démocratiquement élues, ça peut être une organisation privée, on peut réfléchir à, je sais pas, ça peut être toutes sortes de phénomènes. En gros, révolution passive, c'est le contraire de révolution active, évidemment, et l'élément, c'est de savoir où sont les subalternes par rapport à ce processus. Ils peuvent être présents dans la révolution passive, mais ils sont en situation subalterne, et non en situation active, en situation de commandement, en situation d'hégémonie, quoi. C'est ça que... Ça peut être les deux. Parce que c'est, comme je le dis, c'est pas des pseudo-révolutions. Il peut y avoir des bouleversements importants. Et il peut y avoir aussi, là il y a des cas qui sont débattus en Amérique latine notamment. Comment est-ce qu'on qualifie un processus comme l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez, par exemple? Arrivée au pouvoir par le haut, donc. Et ensuite, le type de processus qu'il rend possible. Bon, il y a des débats interminables chez les gramsciens latino-américains pour savoir si, par exemple, Chavez, c'est un cas de révolution passive, progressiste, par opposition à des révolutions passives dictatoriales qui auraient été régressives, etc. Donc c'est des débats très intéressants. Donc là, par exemple, il y aura un exemple de révolution passive, peut-être. On prend le pouvoir par en haut, sur le mode, disons, charismatique, un mode typiquement césariste, Chavez, c'est ça. Et puis ensuite, on induit une série de modifications dans la structure sociale, dans les rapports de classe, dans le financement de toutes sortes de choses, le pétrole, etc. Bon, à mon avis, il y a tout à gagner à appliquer ce concept de révolution passive à des situations de ce genre, mais évidemment de manière flexible, ouverte, critique, etc. Tu vois ce que j'ai ? Oui. Je ne sais pas si vous entendez. Donc moi, la première... Oui, je m'appelle Roxane et je travaille à la Confédération Paysanne. Donc, la première question, c'est quelle l'actualité de la distinction entre Orient et Occident ? Et la deuxième question, c'est quelle est la stratégie de Gramsci pour les paysans, justement ? Oui. Alors, je commence par la deuxième question. En fait, en Italie, les paysans sont sous la coupe des intellectuels traditionnels, notamment du clergé. Okay. Donc, la paysannerie en Italie est massive à l'époque, et elle est assujettie au clergé et à l'Église. Donc, le but d'un révolutionnaire italien dans les années 20 et 30, c'est de substituer à cette hégémonie du clergé sur la paysannerie du Sud, et de construire une alliance entre, d'un côté, la classe ouvrière industrielle du Nord, les conseils de Turin, Fiat, etc., et la paysannerie du Sud. Et donc, l'un des objectifs du parti communiste dont Gramsci appelle de ses voeux l'émergence, c'est de faire exactement le lien, la médiation entre ces deux classes qui sont, au moment où il écrit, séparées. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est d'une certaine manière ça le processus révolutionnaire, principalement. Donc, c'est une dynamique d'alliance de classes qu'il veut chercher à enclencher dans un contexte où la paysannerie, encore une fois, est la classe subalterne dominante, quoi. Même si la classe ouvrière industrielle du Nord est peut-être plus dynamique... etc. Donc ça c'est la question de la paysannerie, et encore une fois, la raison pour laquelle des Indiens, par exemple, ont pu lire Gramsci de manière très assidue, c'est parce que ça leur parle, évidemment, cette question de l'alliance entre la paysannerie, massive aussi dans le cas indien, et la classe ouvrière à l'état naissant dans certains endroits, dans certains grands centres urbains, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose de typique du XXe siècle. Alors, pour prolonger la question, je ne sais pas si aujourd'hui le problème se pose dans les mêmes termes. Il ne se pose plus dans les mêmes termes, en tout cas en Europe continentale. Puisque la paysannerie... Hein, peut-être que... Ça dépend. Ok, vas-y. En Europe de l'Est, en Roumanie, par exemple, mais même en Grèce, qui est un pays fortement impacté par la crise en ce moment, là, les paysans sont de l'ordre de 20%, donc c'est quand même pas négligeable. C'est intéressant. Donc tu dirais qu'en Grèce, par exemple, le type d'alliance qu'ils préconisent serait une condition de la transformation sociale, etc. En tout cas, c'est très intéressant d'utiliser ces concepts-là pour voir quelle serait notre stratégie en Grèce en ce moment. D'accord, très intéressant. Et du coup, en Amérique latine, dans des endroits comme la Bolivie, par exemple, ou le Mexique, ou l'Équateur, évidemment que ça reste tout à fait d'actualité. Ça c'est l'ensemble. Sur l'actualité d'Orient-Occident, évidemment que nous, aujourd'hui, on n'utiliserait pas ces catégories-là. Ça a une consonance un peu orientaliste, Orient-Occident, vous l'avez compris. Donc ce n'est pas des catégories que nous, on utiliserait. Et je pense que la distinction, elle est quand même orientaliste au sens d'Edward Said, la critique de la conception occidentaliste de l'Orient, etc. Mais je pense que ce que ça désigne, à savoir le rapport entre société civile et État, et l'évolution de ce rapport compte tenu du contexte dans lequel on se trouve, c'est vraiment quelque chose sur quoi il faut réfléchir. C'est tout à fait évident, je veux dire. Aucune entreprise de transformation sociale radicale aujourd'hui, en France par exemple, ne peut faire l'économie d'une réflexion sur ce que c'est que la société civile aujourd'hui, son rapport avec l'État, et la manière dont il faut transformer cela pour aller vers quelque chose de préférable. Donc il est tout à fait évident que ce que désigne cette distinction reste actuelle. En revanche, personnellement, je préférerais renoncer à Orient-Occident parce que c'est des catégories un peu désuètes, quoi. C'est un peu orientaliste au sens... Oui, parce que pour que l'hégémonie marche, il faut de l'universalisation. C'est-à-dire que la classe dominante ne peut s'en tenir à ses intérêts purement, étroitement corporatistes, la finance, etc. Et justement, ce qu'il faut pour cela, pour que la catharsis, la purification ou l'universalisation se fasse, c'est des intellectuels organiquement liés à une classe dominante et qui fassent ce boulot de construction hégémonique. Aujourd'hui, de toute évidence, je ne vois pas d'intellectuel qui efficacement joue ce rôle. Mais on peut discuter, c'est une vraie discussion à avoir. Et ce que je vois en revanche, c'est une classe dominante, notamment à l'échelle européenne, qui est de plus en plus recroquevillée sur des taux de profit mirobolants, mais qui d'une certaine manière n'arrive pas à être attractif au sens de Gramsci pour d'autres que les membres de cette classe bourgeoise étroite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on peut illustrer ça par le niveau européen. Il n'y a pas d'intellectuel organiquement lié à la bourgeoisie européenne aujourd'hui. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Ah, tu dirais les économistes, oui. Peut-être les économistes. Les économistes, mais le, est-ce que les économistes... est-ce que les économistes ont un impact sur la construction de l'hégémonie ou est-ce qu'ils sont trop professionnalisés et trop technicisés pour pouvoir s'adresser à un public large ? Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc les économistes seraient les intellectuels organiquement liés au projet européen actuel, je veux dire, à l'Europe néolibérale. Donc, mais ça marche pas très bien. Ça marche pas trop bien, tu es d'accord sur ce point. Okay, le consentement des subalternes, non. Le problème, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas consentement qu'il y a révolution pour autant, on l'a bien compris. Il peut y avoir ce que Gramsci appelle une dose importante de cynisme ou de scepticisme par rapport à la politique, sans que ce scepticisme ou cynisme se transforme en processus révolutionnaire. Donc, il y a un consentement d'austérité en ce moment. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un consentement assez fort. Tu penses ? Il n'y a pas un consentement, il y a un silence, mais est-ce que justement Gramsci parlait d'une autre possibilité que le consentement ? Est-ce qu'il y avait une autre alternative ? La force. Il n'y a que la force ou le consentement ? Et la corruption. Ça, c'est la troisième possibilité. Mais ça, je n'en ai pas parlé parce que c'est... La corruption, c'est essayer d'acheter la paix sociale par en paix. C'est là le transformisme et tout ça. Mais le consentement à l'austérité, tu penses que c'est... vous pensez que c'est un... Il est important aujourd'hui ? Ça, c'est un vrai débat, du coup. Si on arrive à résoudre cette question, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le consentement à l'austérité ? La discussion, c'est qu'est-ce que ça veut dire consentement ? Est-ce que c'est être passif face à une situation ou est-ce que c'est finalement essayer de s'intégrer à ce truc ? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de toucher moins d'argent, d'avoir moins d'intérêt public, etc. En même temps, est-ce qu'il y a des réactions passives ? C'est vrai qu'à... Non, bien sûr. Mais c'est, si je vais l'oublier, l'idée, c'est que ce n'est pas que l'intellectuel, c'est pour les gens, que ce qu'ils veulent faire dans leur vie, c'est ressembler à la classe dominante. Et là, c'est effectivement, ça paraît difficile. Moi, je peux donner un exemple. Dans les années 90, le consentement au néolibéralisme était très important. C'était ce que Boltanski et Capello appelaient le nouvel esprit du capitalisme, etc. Il est évident qu'on est sorti de cette phase. Donc ça, c'est ce que j'appelle le consentement, les années 90. Maintenant, on n'est plus dans une période de consentement, mais on n'est pas non plus dans une période de révolution. Ça va sans dire de résistance massive, sauf éventuellement en Grèce, et parfois en France, avec quelques mobilisations, etc. En Espagne aujourd'hui, etc. Donc il faut évidemment s'entendre sur ce qu'on entend par consentement. Mais il y a une vraie différence, je pense qu'en ce sens, le néolibéralisme, évidemment, les politiques néolibérales continuent à être appliquées, mais ça n'implique pas que le système de justification néolibérale, c'est-à-dire l'esprit néolibéral, continue à opérer sur les gens ou puisse être... Il y a plusieurs personnes là. Vous voulez prendre la parole ? Oui ? Oui. Ouais. Non, il est assez peu prophétique en ce sens. C'est quelqu'un qui insiste sur la dimension scientifique du marxisme, mais qui considère aussi que la science marxiste, c'est une méthode propre. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de se placer sur le terrain de la science, disons, normale, de son temps, etc. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout, en d'autres termes, relativiste, ou qui considérerait que... C'est quelqu'un qui considère qu'il y a une méthode marxiste propre et qu'elle est extrêmement rigoureuse, mais que ça, c'est un débat différent de savoir si le marxisme est une science au sens de la physique, de la chimie, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c'est très important et c'est très attachant chez Gramsci, parce qu'il a l'air de... Il n'a pas du tout de formation scientifique autre que la philologie et la linguistique, mais il a un grand respect pour l'activité scientifique, pour la raison, la rationalité, des choses comme ça. En ce sens, il n'est pas non plus positif. C'est pas un marxiste qu'on pourrait facilement qualifier de positiviste, pas du tout même. Mais il est peut-être dans un entre-deux entre les courants chauds du marxisme, le romantisme, Bloch, etc., et les courants froids du marxisme. Cette distinction, elle vient de Bloch, d'ailleurs, je crois. D'Ernst Bloch. Il est à mi-chemin entre les deux courants. C'est pas non plus tiède, évidemment. Mais c'est intéressant. Là, il faudrait se pencher sur les occurrences du mot science et du traitement de cette problématique dans les cahiers de prison de manière plus systématique. Ça, je ne l'ai pas vraiment fait. Oui. Ouais. c'est une question très difficile. Oui, Gramsci est quelqu'un qui pense à l'échelle de l'État-nation, parce qu'à son époque, c'est comme ça que le problème se pose, d'une certaine manière. Ça n'empêche pas qu'il soit évidemment un internationaliste, comme tous les marxistes, mais en même temps, il pense que le rapport entre la société civile et l'État est spécifique à chaque État-nation, à chaque trajectoire ou histoire nationale. Et donc, il faut faire de l'analyse concrète, de situations concrètes, quoi, à l'échelle nationale, c'est ça que ça veut dire. Mais en même temps, comme je l'ai dit avec l'idée de révolution passive, la dimension internationale, elle n'est pas absente. La révolution passive peut avoir une dimension internationale, en ce sens que un pays voisin puissant intervient dans les affaires de, bon, pour faire le dénouement. Donc ça, c'est une première manière de réfléchir à la dimension spatiale, supranationale, plus exactement, du problème. Donc après, il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, chez Gramsci, de réflexion propre sur l'espace. Comme il y en aura plus tard dans le XXe siècle, chez quelqu'un comme Henri Lefebvre, par exemple. Il n'y a pas vraiment, à ma connaissance en tout cas, de réflexion proprement thématisée ou problématisée du concept d'espace chez Gramsci. Là, il faudrait peut-être, là encore, comme dans le cas de la science, faire une étude peut-être plus spécifique. L'avantage, c'est que maintenant, on a les cahiers de prison en version électronique, donc vous pouvez taper des mots-clés et puis voir à chaque fois que le mot science apparaît. C'est un peu fastidieux comme boulot, mais ça vaut la peine parfois, parce qu'on trouve des moments où c'est... Donc, à ma connaissance, Gramsci n'est pas un précurseur de la sociologie marxiste urbaine. Mais peut-être qu'on me démentira sur ce point. Mais donc, la dimension nationale est cruciale. Évidemment, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut repenser aujourd'hui. Évidemment que la dimension de mondialisation qui apparaît depuis plusieurs décennies est quelque chose qu'il faut essayer de travailler au contact des concepts gramsciens pour élargir ces concepts. Oui, il y a toutes sortes de courants néo-gramsciens en théorie des relations internationales. Notamment des Hollandais, basés à Amsterdam, et des Anglais, qui travaillent sur notamment l'Union européenne et qui essayent, avec cette hypothèse de la révolution passive et de sa dimension internationale, de comprendre la construction européenne aujourd'hui sous l'hégémonie américaine, avec l'hypothèse selon laquelle la construction européenne est en fait une continuation du plan Marshall par d'autres moyens. Vous voyez ? Ça, c'est des hypothèses très intéressantes. Donc, les courants néo-gramsciens existent de manière... Mais comment dire ? C'est des gens qui s'inspirent de l'approche gramscienne, des concepts gramsciens, de l'hégémonie placée à l'échelle internationale, mais qui extrapole à partir de Gramsci. Ce n'est pas des lectures orthodoxes ou forcément minutieuses de Gramsci. Ça vaut pour Stuart Hall aussi, qui tord toutes sortes de concepts gramsciens à des fins qui ne sont pas les fins de Gramsci, mais qui sont les siennes, à lui, dans les années 70-80, en Angleterre, etc. Ouais, une question double en fait, à la fois sur la temporalité spécifique de la crise organique. Alors tu nous as dit qu'il fallait la concevoir comme une évolution, et en même temps, dans le fameux cahier 13, la question du rythme et de l'accélération politique se pose, et elle se pose, ça c'est le deuxième aspect de la question, en lien avec un problème très précis et absolument central, qui est au moment où se détache des classes ou des fractions de classes de leur direction, que fait le parti en face? En gros, ma question, c'est que fait le parti dans la crise organique et pourquoi le problème de la temporalité est spécifique à ce moment-là? Le problème de la temporalité, il apparaît spécifiquement dans les situations de crise organique parce que les crises organiques sont des moments où les déterminismes s'affaiblissent, dit Gramsci. Il y a cette idée d'historiciser les déterminismes. Il y a du déterminisme en particulier dans les périodes normales, et puis le déterminisme s'affaiblit et réapparaît la possibilité politique, ou la contingence. Et ça, c'est le trait léniniste, en fait. C'est la fameuse idée léniniste de la crise stratégique, chez Daniel Mitzel, notamment. La crise stratégique, c'est exactement ça. C'est une crise qui ouvre des possibilités stratégiques. Donc c'est exactement là que Gramsci dit que les crises organiques sont des moments, des champs de bataille où la lutte se fait. Alors sur la question des morceaux qui se détachent du bloc historique, ben, l'attitude du parti, ça doit être évidemment d'essayer de convaincre ces morceaux de rejoindre le parti. La difficulté, c'est qu'elle a peu de moyens, au départ, il a peu de moyens, ce parti, de le faire, parce qu'il n'a évidemment pas nécessairement tous les moyens financiers de la bourgeoisie, qu'il est lui-même en crise. Il a, d'une certaine manière, peu de moyens ou d'arguments à faire valoir, outre le fait que l'avenir lui appartient. Et culturellement, il faut construire cela. La contre-hégémonie, c'est ça. C'est convaincre les morceaux du bloc historique qui se détachent de rejoindre le camp des subalternes et le parti en particulier, parce que le parti est porteur d'une historicité supérieure à la classe qui est en déclin ou au bloc historique en place. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le rôle du parti. Alors évidemment, c'est pas du tout facile, c'est extrêmement compliqué, mais c'est là où la dimension culturelle, la dimension portant sur les valeurs, ce que Gramsci appelle la réforme intellectuelle et morale, la dimension morale de la lutte révolutionnaire est cruciale parce qu'il y a tout un travail de conviction à établir. En plus de l'autogestion, des grèves massives, etc. Donc en fait, ce que fait Gramsci, c'est ajouter à la panoplie révolutionnaire, au répertoire d'action révolutionnaire classique, de nouvelles rubriques, quoi. La culture, le langage, etc. Et ça, c'est un élément... Donc c'est ça, la guerre de position, si tu veux. C'est que tu as des morceaux qui se détachent, et puis la guerre de position, c'est essayer de les ramener de son côté, quoi. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, il y a de toute évidence des morceaux qui se détachent. La question, c'est que les organisations, disons, progressistes ou révolutionnaires sont loin d'être prêtes à l'échelle européenne pour faire ce travail, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai la fin de la question. Oui. Vous avez évoqué Foucault ouais. Au début. Quel est le lien entre Gramsci et Foucault, en particulier au niveau de la théorisation de Foucault? Ouais. Foucault n'avait pas lu Gramsci. Et il l'a avoué dans une lettre. Donc on sait qu'il ne l'avait pas lu, à moins qu'il ait menti sur la question. non, je ne l'ai pas ici, mais il y a une lettre fameuse où je ne sais plus quoi, il y a une formule où il dit, j'ai vaguement entendu parler de Gramsci, mais je n'ai pas lu. En gros, c'est ça. L'avantage de Gramsci, c'est que d'une certaine manière, il fait l'intermédiaire entre les deux théories du pouvoir les plus influentes du XXe siècle, d'une part la théorie léniniste, et d'autre part la théorie foucaldienne. Et d'une certaine manière, Gramsci est un moyen terme très très intéressant pour cela. Gramsci est un léniniste d'une part, c'est quelqu'un qui théorise l'État et l'unité de l'État capitaliste, donc en ce sens il est du côté de Lénine, mais en même temps il a compris que le pouvoir a tendance à se décentraliser dans les sociétés dites occidentales. Okay. C'est tout ce que j'ai dit. Les grandes corporations qui émergent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais aussi tout ce qui est de l'ordre des rapports de pouvoir, disons micro-sociologiques, quoi. La microphysique du pouvoir au sens de Foucault. Donc moi je ne suis pas pour réconcilier les grands auteurs pour le plaisir, hein. C'est pas du tout, je pense que ça n'a pas de sens, mais je pense que ça peut avoir un sens si c'est utile, quoi. Si ça nous aide à voir des choses qu'on ne voyait pas, ou si ça nous aide d'une certaine manière à réconcilier stratégiquement et politiquement des perspectives qui apparaissent disjointes. Aujourd'hui, il y a des mouvements sociaux qui se réclament, des partis politiques plus exactement, qui se réclament de l'héritage léniniste, et il y a des mouvements sociaux qui sont plus dans une mouvance, disons, post-léniniste, foucaldienne, moléculaire, microphysique du pouvoir, etc. Il y a une grande opposition de ce type dans les théories critiques contemporaines. Il n'est pas exclu que Gramsci puisse servir à faire une espèce de synthèse stratégique de tout cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faudrait vraiment en dire plus. Hein. Là, je vous renvoie au texte d'un commentateur anglais qui s'appelle Bob Jessop. Jessop, quoi. Qui a beaucoup écrit sur le rapport entre Gramsci et Foucault et le rapport entre Gramsci, Foucault et Poulanzas, qui est le troisième terme, et Poulanzas étant un penseur des années 70-80 d'origine grecque, établi en France, qui au début était althusserien, et puis qui a ensuite modéré son althusserisme par une forme de gramschisme, et qui a écrit un immense livre tout à la fin de sa vie qui s'intitule « L'État, le pouvoir, le socialisme », qui est paru en 78 ou 79. « L'État, le pouvoir, le socialisme », qui est difficilement trouvable, mais qui va être réédité très prochainement. Est-ce qu'on pourrait revenir à cette histoire de consentement tout à l'heure? Parce que du coup, en fait, tu parlais des années 90 et du fait que les gens adhéraient plutôt au projet néolibéral. Je ne suis pas certain. Oui, et en même temps, il y a quand même eu des réactions, même aux États-Unis. C'est quand même assez fou. Et puis, aussi, enfin, il me semble qu'il y a un truc autour de la temporalité aussi, c'est-à-dire que... c'est pas très clair hein, dans mon esprit, donc c'est pour ça que ma question va pas être très claire et je m'en excuse. Mais donc tu dis qu'à peu près dans les années 90, les gens adhèrent au projet néolibéral et que maintenant, bon, c'est pas si sûr que ça. Ouais. Donc, mais il me semble que dans les années 90, enfin plutôt 80-90, t'as aussi cette histoire de temporalité, enfin de récit autour de l'urgence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative possible au projet néolibéral. Et ici aussi, ce qui crée du consentement, il me semble, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, il n'y a pas encore de plan d'austérité très critiqué et qui provoque des résistances très fortes, et pourtant, il y a toujours des micro-discours autour de la pas d'alternative. Aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Et notamment à l'université, c'est-à-dire que le projet des ex, par exemple, c'est vendu comme ça. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a plus de fric. Et du coup, il me semble qu'il y a une espèce de tension aussi entre la temporalité longue qui crée le consentement et la crise qui est plutôt pensée en urgence. Et peut-être que pour justement penser le consentement, il y a cette tension à affiner, je ne sais pas. Non, mais je vois. Non, je ne sais pas, c'est une question difficile. il est clair, je ne suis pas du tout partisan de dire que le néolibéralisme c'est fini. Loin de là. Très très loin de là. En particulier, je pense qu'il y a des politiques néolibérales, enfin tout le monde sait ça. En revanche, je pense que le type de système de justification qui a été construit patiemment depuis la Deuxième Guerre mondiale, en fait, et qui s'est manifesté en particulier dans les années 70, ce type de système de justification idéologique est clairement, à mon avis, en crise. Clairement en crise. Mais ça n'implique évidemment pas que les gens se révoltent. Parce que, en fait, pour qu'ils se révoltent, il faudrait que quelque chose les rende actifs. Ce quelque chose, c'est forcément des expériences politiques, syndicales, mais c'est aussi une organisation. Gramsci, c'est un penseur de l'organisation. Il pense qu'il n'y a pas de sujet de l'émancipation ou d'acteur de l'émancipation à l'état spontané. Ça n'existe pas. Il peut y avoir évidemment des révoltes spontanées, il peut y avoir des émeutes, des insurrections très profondes, etc. Mais pour que tout ça se politise, ça doit être politisé par une organisation politique. En ce sens, c'est très, très traditionnel, en fait. C'est un marxiste, quoi. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc voilà, moi je trouve que c'est extrêmement actuel. Je pense que les problèmes... une situation où le néolibéralisme comme système de justification est en crise et où il n'y a pas d'alternative et où les gens sont sceptiques, cyniques, mais sans se révolter, la pièce manquante dans ce dispositif, c'est des organisations. Des organisations qui mettent les gens en activité, quoi, qui rendent les gens actifs. Il me semble. Ça, c'est la position de Gramsci. Donc en fait, je suis assez d'accord avec le concept que je fais. Sur la période actuelle, j'ai l'impression que la seule utilité du consentement est clairement ébranlée. Le consentement existe. Ouais. C'est-à-dire que la possibilité, probablement, d'aller voter des choses, mais on ne peut pas dire que le consentement est ouais. Non, il n'y a pas de. C'est pas binaire, donc il faut adapter cette distinction entre force et consentement, le centre de Machiavel, à chaque situation particulière. Mais en même temps, il ne fait pas une gradation en disant, au-delà d'un tel degré, ça commence à tourner mal pour l'hégémonie, quoi. Non, il faut utiliser ces catégories de manière souple et concrète et empirique dans chaque situation. Dans chaque situation. Consentement, la manière dont je l'ai utilisé, ça consistait à dire que consentement, ça veut dire j'adhère aux valeurs du néolibéralisme. Je prétends, peut-être à tort, mais que dans les années 90, un grand nombre de personnes, y inclus issues des classes subalternes, adhéraient à une forme parce qu'ils ont été... Voir les travaux de Dardot et Laval, par exemple, ou de gens comme ça, la création d'une espèce d'individualité néolibérale, etc. Bon, c'est ça, quoi. Ça, c'est en partie en crise, je dirais. En partie, pas complètement. On reviendra sur cette question du consentement à la séance du 11 avril avec Nicolas Bellerger qui a travaillé sur l'hôpital et sur le consentement ou la résistance, en fait, des professionnels aux réformes néolibérales et sur les conditions de ces résistances. À partir de données empiriques, en fait, une enquête, à partir d'enquêtes de terrain. Je voulais juste, sur cette question du consentement dans la vie sexuelle, voir si on peut pas prendre cette directrice, un peu comme le fait Léonie dans la théorie du choc, en fait, sur la performativité du ouais. De la tour, ouais. comme gouvernement du consentement, en fait, et avec là tous les économistes, avec tout genre de choses. Et ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu dis sur la question des partis aujourd'hui, des formes de l'organisation, c'est qu'au contraire, s'il y a des formes émergentes de mouvements sociaux aujourd'hui, elles sont vraiment moléculaires, je pense au mouvement Occupy et au mouvement Indigné, qui justement créent et fuient la forme du discours politique, même si l'objet c'est la violence, c'est tout ça, mais il y a une crainte de l'organisation qui est. Et donc de l'initiative en fait. C'est vachement intéressant dans ce que ça dit de qu'est-ce que c'est qu'une contestation qui est large dans une place de crise. Oui, bien sûr. Sur la stratégie du choc, il n'y a pas ce type d'argument chez Gramsci, en revanche chez Stuart Hall, il y a cet argument. Dans le texte que je vous ai fait passer là, il y a exactement le caractère performatif de l'action néolibérale dans le contexte de crise des années 60-70, c'est quelque chose qu'il dit explicitement. Je ne sais pas si Naomi Klein s'en est inspiré, mais en tout cas, c'est des arguments extrêmement voisins. Quoi. Et il dit les néolibéraux sont ceux qui ont réussi à tirer l'épingle du jeu de la crise des années 70-80, là où les sociodémocrates étaient en crise, par exemple. Ils auraient pu eux aussi opérer parce qu'ils étaient massivement organisés, etc. Mais ils traversaient une crise, si bien que ce sont les néolibéraux qui ont des conservateurs en Grande-Bretagne qui ont réussi à emporter la mise. Oui. Ouais. Oui, en fait, il y a deux concepts de crise. Il y a la crise comme régime de croisière du capitalisme. Disons, le capitalisme est toujours empreint de contradictions qu'il arrive ou non à gérer, plus ou moins. Un bloc historique, c'est d'une certaine manière une manière de gérer les contradictions. Les contradictions ne disparaissent pas. C'est très marxiste, là encore, c'est marxien même. Les contradictions ne disparaissent pas, elles sont simplement utilisées à des fins d'innovation technique, de génération du taux de profit, etc. Donc ça, c'est la crise, disons, au sens large. Et puis, la crise organique, proprement dite, c'est le moment où le capitalisme n'a plus les ressources pour gérer les contradictions qui le sous-tendent, et où donc la crise se manifeste, d'une certaine manière. C'est une crise latente, qui est permanente, d'une certaine manière. Alors, on pourrait dire que c'est une manière d'étendre le concept de crise de manière un peu trop excessive, quoi. Mais je trouve que c'est quand même, ça donne une perspective intéressante sur la notion de crise. Et donc, la crise organique, c'est le moment où la crise se manifeste dans toutes ses contradictions, et où... où le taux de chômage augmente, où les conflits sociaux augmentent, où au contraire le cynisme augmente, etc. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est un peu la crise, le capitalisme comme crise continuelle, c'est il faut vraiment le prendre à la lettre, je pense. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments d'exacerbation de cette crise. D'exacerbation sur le long terme. La crise comme terrain de lutte. Ça répond à votre question. Est-ce que ça ? Le capitalisme ? Le nouveau est une possibilité incluse dans le présent. Mais il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme linéaire du type de celui qu'on trouvait dans la social-démocratie allemande du début du siècle. D'évolutionnisme, au sens où le nouveau triomphe toujours. Le fordisme va s'installer, même en Italie, et ça va permettre de faire telle et telle chose. Non, il y a toujours la possibilité alternative de phénomènes morbides. Bon, là, il y a une affinité avec Rosa Luxembourg, c'est le socialisme ou barbarie, quoi. Évidemment. C'est l'alternative. C'est l'idée que le socialisme est une potentialité inscrite dans le présent, mais qu'en même temps, si certaines conditions ne sont pas réunies, et particulièrement l'existence d'organisations de masse, tout ce dont on parle depuis le début, tout ça peut basculer dans les phénomènes morbides. Exemple, le fascisme. Exemple, les dictatures en Amérique latine, etc. Ça, c'est les phénomènes morbides. Donc, c'est pas du tout un penseur évolutionniste de type Auguste Comte ou ce genre de choses, quoi. Ou même Durkheim, ou même Kautsky, etc. Bernstein, etc. C'est vraiment un penseur de la contingence. Ça, c'est très léniniste aussi. La contingence est donc de l'action politique. Parce que l'action politique est ce qui permet que la barbarie ne se réalise pas et qu'au contraire, ce soit le socialisme ou le progrès, etc. Et sans action politique efficace, ça peut mal tomber. C'est ça l'idée. Oui ? Je ne suis pas perdu tout à l'heure, on n'a pas vu vous, mais je voulais continuer là-dessus. La notion de bloc historique, du coup, il faut la comprendre comme quelque chose de spécifique du capitalisme, de spécifique plutôt de l'Occident qu'un côté un peu plus tardif. Est-ce que c'est forcément la bourgeoisie qui est le cœur du bloc historique ? Et du coup, les évolutions du bloc historique, c'est reconfigurer autour de la bourgeoisie, c'est ça ? En régime capitaliste, oui, parce que c'est ça qui définit le capitalisme. Le bloc historique, c'est donc structure et superstructure qui s'identifient concrètement. L'unité dialectique, dit Gramsci, des deux. Donc il faut du capitalisme, c'est-à-dire des structures, et il faut des superstructures. Et en régime capitaliste, le cœur, c'est toujours soit la bourgeoisie dans son ensemble, soit un secteur particulier de la bourgeoisie. Par exemple, on peut dire que dans le néolibéralisme, je ne sais pas si c'est vrai, mais que la finance a pris une part prépondérante, en tout cas dans certains pays, par rapport à la bourgeoisie industrielle, etc. Le cœur ne peut être que la bourgeoisie. Là encore, dans une configuration nationale particulière, les alliances que fait la bourgeoisie sont ensuite tout à fait diverses. En Italie, ça peut être, ou en Inde, ça peut être avec la paysannerie, avec le clergé, ça peut être avec une partie des classes moyennes, une partie de la classe ouvrière, pourquoi pas, une élite ouvrière, une aristocratie ouvrière qui est intéressée au bloc historique. Donc la réponse, c'est ça. Après, plus on va vers la complexité, c'est-à-dire plus on va vers l'Occident, pour reprendre cette distinction, et plus le bloc historique lui-même est complexe. Plus être hégémonique devient une affaire compliquée. Tu vois le truc ? En fait, c'est un penseur de la complexité aussi. C'est non seulement un penseur de la possibilité politique, mais c'est un penseur de la complexité, en ce sens que pour lui, à mesure que la société civile se développe, réunir les conditions de l'hégémonie et du bloc historique deviennent de plus en plus compliquées. Tu vois, c'est ça le truc. Là encore, c'est un concept unique, mais qu'il faut utiliser et moduler selon les cas... Du coup, il y a une crise en permanence, il y a quelques moments où il y a des grosses crises très très organiques. Non, crise en permanence, ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir croissance. Hein. Je veux dire, quand on dit crise continue, il il évacue pas du tout le fait qu'il y a des périodes de croissance très longues. Une période de croissance très longue, c'est une période de crise aussi. Par crise continuelle, il faut entendre justement le fait simplement que le capitalisme est sous-tendu par des contradictions. C'est aussi simple, c'est tout ça. C'est rien que ça. Ces contradictions, parfois, elles sont gérées parce que le bloc historique, il a les moyens de le faire. Et parfois, elles ne le sont plus. Et quand elles ne le sont plus, c'est crise organique. C'est ça, en fait. C'était raisonnable d'essayer d'avoir une liste un peu précise, enfin, un peu caricaturale sans doute, mais à des moments où il y a une transformation sérieuse du bloc historique. Il y a la crise de 1929. Tout à l'heure, tu parlais de la fin des années 60, des années 70. Ouais, ça c'est un travail qu'il faudrait faire en effet. Est-ce qu'on est dans la suite de celle-là ou est-ce que ça, c'est une nouvelle? Ça j'en sais rien, ça j'y ai pas. Il faudrait réfléchir à une périodisation du capitalisme, de la succession des blocs historiques, et qui ne peut pas être une périodisation générale qui vaut pour le capitalisme dans son ensemble. C'est ça la difficulté. Comme tu sais, aujourd'hui en Chine ou au Brésil, la crise elle n'a pas la même allure qu'ici, même pas du tout d'allure. Donc tu vois, tu peux. C'est ça la difficulté quand on analyse un phénomène mondial comme le capitalisme, c'est qu'il faut se donner les outils pour à la fois dire des choses qui valent pour le capitalisme en général, parce que c'est un système en général, une totalité comme dirait l'autre, mais c'est aussi un système qui a des actualisations particulières, en Italie, en Brésil, en Chine, etc. Donc c'est très compliqué. Mais je pense que ça vaudra la peine de voir, de périodiser. Alors aujourd'hui, il y a toutes sortes d'économistes marxistes, pas vraiment gramsciens, mais qui ne sont pas incompatibles avec ce que dit Gramsci, qui proposent des périodisations de la crise, enfin, vous les connaissez, quoi, Chenet, Duménil-Lévy, etc. C'est des gens qui... Cédric, etc. C'est des gens qui travaillent sur ces questions, quoi. Des gens qui travaillent sur comment est-ce qu'il faut comprendre la crise actuelle, est-ce que c'est la dernière manifestation d'une crise apparue dans les années 70, ou est-ce que c'est une nouvelle crise par rapport aux années 70, etc. Ouais, mais Cédric Durand, il interviendra le 9 mai. L'excellent Cédric Durand interviendra le 9 mai. Absolument. Ben merci à toutes et à tous pour cette première séance. Hein. Donc on se revoit le mercredi prochain avec Isabelle Bruno et Hugo Harari qui interviendront sur la question de l'université qui a été évoquée tout à l'heure. C'est toujours dans cette salle. Dans cette salle, oui. Rendez-vous dans cette salle à 17h. Merci. Merci. J'y vais. Statis, c'est un gratuit devant l'éternel, Statis. Notamment, Non, mais c'est intéressant, parce que c'est un truc, tu vois, que j'avais évacué un peu rapidement, et puis en fait, je me lance. Ouais, ça peut être moi. Il y a aussi la question des petits commerçants en grève, en particulier, c'est... Il y a un cahier qui circule pour l'occupation de la salle ou pour les validations, donc si vous voulez inscrire votre nom. Merci. Je pense que c'est chaud, c'est ça. Non, mais moi j'ai un peu chaud là, mais on a un moment, mais j'ai fait...